Ici Christian, François et Stéphane d'Objectif Numérique. Vous écoutez le podcast Mac Québec. This is Steve Wozniak, and you are listening to the podcast of Mac Québec. Bonjour et bienvenue au podcast Mac Québec. Mardi 24 septembre, il est 8h08, on est un petit peu en retard, mais il faut comprendre, on est un petit peu fatigué, c'est un feu roulant de podcast ces dernières semaines, on est bien content en fait pour les 10 personnes qui sont en ligne actuellement, merci beaucoup d'être là. Soit que vous tripez vraiment en Mac, ou soit que vous n'êtes pas au courant que Agent of S.H.I.E.L.D. commence ce soir. Il y a Unité 9, il y a Monsieur Net, ils sont tous là à soir. Ils sont tous là. Tiens, si t'étais, je te laisse ça, réponds, c'est Martin qui veut faire l'entrevue. Fait que réponds, puis on va le plugger. OK. Comment tu veux que je plug ça? Je sais, comme le téléphone, on ne peut pas le faire par téléphone Voice over IP. Ah. Va lui dire comment nous téléphoner à ce moment-là. OK. Donc, vous écoutez le podcast Mac Québec, qui maintenant est une formule de 2 heures et qui inclut les amateurs de Mac. Bonsoir, c'est un nouveau, c'est le segment qu'on faisait dans le deuxième podcast, mais qui maintenant est inclus dans le podcast Mac Québec. Soit pour nous donner plus de temps pour répondre aux questions, ou pour nous donner plus de temps pour vous donner des nouvelles. Le podcast Mac Québec est un podcast à propos du monde d'Apple et on vous rapporte chaque 2 semaines les nouvelles des 2 dernières semaines. Je vous présente mon équipe. En fait, celui qui vient de quitter et qui revient. Le sort s'acharne toujours sur un des 10 premiers arrivés au Apple Store pour le renouvellement de son iPhone. Cette année, sa patience a été mise à rude épreuve le 20 septembre au matin. Jean-Michel Boily est avec nous. Une heure et demie dans l'Apple Store. Et c'est même pas parce que les serveurs des fournisseurs avaient planté. Ils ont... Ils ont tenu. Oui, exceptionnellement. C'est parce que les serveurs des fournisseurs étaient plus capables de se comprendre. C'est plutôt les employés qui étaient plus capables de se comprendre entre eux avec tout ce qui était à mon compte. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est parce que t'as la journée d'avant, pendant qu'on était en ligne, t'as négocié une nouvelle entente. Oui, c'est ça. C'était très spontané comme décision d'achat. Tu sais, une fois que t'es en ligne puis que tu sais que tu vas attendre 12 heures, ouais, peut-être. Tu deals la nanane au bout. c'est ça, t'as attendu longtemps. Finalement, ça s'est réglé. Oh, ça s'est réglé. J'ai eu ce que je voulais. Je m'ai mis plus que je voulais à cause d'une erreur là, qui s'est produite là, pendant. Excellent. Et avec moi aussi, il est maintenant celui qui a le plus gros clout chez Mac Québec. Et ça, c'est grâce en fait à iOS 7 qui est sorti le 18 septembre. Je pense que t'as fait une veille de 24 heures pour répondre à tout le monde qui avait des questions. Jean-François Roy est avec nous. J'étais rendu... bonsoir. J'étais rendu avec des cure-dents entre les 2 yeux. que... Excellent. Je suis en train de relire les notes. Donc, on va être avec vous pour les prochaines 2 heures. Et ouais. Les auditeurs peuvent toujours nous soumettre leurs questions et problèmes sur les différents produits Apple en utilisant les moyens habituels, soit via Twitter en utilisant le hashtag... hashtag PodMQ, sur la plateforme Mac Québec Entraide au www.macquebec-entraide.com, en nous écrivant au podcast@macquebec.com, podcast au singulier, ou maintenant, grâce à Jean-Michel, par téléphone au 1-877-561-2357. Le 1-877-561-2357. On n'a pas de T-shirt à donner. Malheureusement, non. Du moins, pas encore. Voilà. On retourne. Si vous nous avez suivis, en fait, ce serait le troisième épisode de la saison. Ouais. Les deux autres épisodes furent forcés par Apple. On a donc fait le lancement, l'annonce du iPhone 5 le 10 septembre passé. Et on a fait un podcast le 20 septembre, en fait le 19 septembre au soir, devant le Apple Store. Ça s'est bien passé, c'était une chouette soirée, bien entourée. On n'était pas premier en ligne. C'est Vincent qui était descendu de Trois-Rivières et qui était premier en ligne. Il est arrivé à 1h30. Moi, je suis arrivé à 2h et puis mes collègues m'ont suivi. On a eu la pizza payée par ReptileTech. Oui. C'était très bon, on les remercie. On remercie Max. Max aussi, en face. Puis les gars qui faisaient réparation pour l'électricité. Donc, on aimerait justement remercier nos commanditaires. Le podcast Mac Québec est rendu possible grâce à la généreuse collaboration de ClickPom, de iRepair Montréal et de ReptileTech pour ma bedaine. pour notre bedaine, en fait. Des nouvelles, en fait, du côté de Mac Québec? Ben oui, on a des concours qui vont être lancés bientôt. Des concours? Parle-moi de ça, Jean-Michel. Des concours, dont le concours ClickPom Pimp Mon Mac. Oh yeah! Où les lecteurs de Mac Québec vont courir la chance de gagner l'installation d'un disque dur SSD Samsung 840 de 250 GB, incluant la migration des données existantes de votre ancien disque dur dans les bureaux de ClickPom, le tout d'une valeur de près de 500 $. Effectivement, quand même assez impressionnant comme prix. Mm-hmm. Et tout ce que les gens ont à faire, c'est un like sur la page. En fait, quand le concours sera lancé le 1er octobre, les gens auront simplement à faire un like sur la page de ClickPom. Et en fait, s'ils veulent une chance supplémentaire, ils peuvent aussi nous suivre sur Twitter. Est-ce que le SSD est là-bas? Oui, le SSD est là-bas. Je reviens. Renverse pas son... Ah, ben oui, tu vas le montrer. Renverse pas ton coke dessus. Donc, on l'a, il existe, il est vrai. Ce SSD. Sinon, on aimerait aussi donner des petites nouvelles par rapport à l'application MQ Mobile qui a récemment été retirée de l'App Store. C'est suite à l'apparition de certains bugs ayant rapport avec des changements d'API avec la mise à jour à iOS 7. Le travail est déjà commencé, avance de bon train pour le lancement d'une prochaine version dans, on dirait, quelques mois. C'est la version 3.0 qui sera celle-là compatible iPad. Exactement. Donc, voilà. Et je ne sais pas si tu as le nom de la compagnie, pas loin. La compagnie Piroxo. Piroxo, qui, en collaboration avec Mac Québec, fait cette application-là. On les remercie beaucoup. C'est ça. La boutique Mac Québec a été lancée le 10 septembre dernier lors de l'annonce du iPhone. Vous pouvez vous procurer pour l'instant divers articles en bois fabriqués par David-Yann Auclair, aucun lien de parenté avec Kim, de l'atelier du Vieux Rabot. Surveillez l'arrivée des nouveaux articles promotionnels à l'effigie de Mac Québec au cours des prochaines semaines, des tasses, des T-shirts et d'autres affaires. On est en train de regarder ça. Exactement. On vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre en studio au 1-877-561-2357. On passe à la section kudos et coups de 12. C'est pas grave. C'est fait voler. Je vais vous laisser commencer, messieurs. Jean-François, est-ce que tu avais un kudos, coup de 12? Non. Non, excellent. Pas grand-chose cette semaine. Pas grand-chose dans les deux dernières semaines qui m'ont tombé sur les nerfs. Pas vraiment, non. Excellent. Là, c'est rare. J'ai essayé de trouver un coup de 12 pour cette semaine, mais j'en ai pas trouvé. OK. Donc, j'ai deux coups d'os à la place. Oh, deux. Deux coups d'os. C'est rare que je dise quelque chose de positif là, dans ces sections-là. Là, des fois, j'ai... Oui, tu utilises... Ouais. Coup d'os, premièrement, à Target, qui a ouvert ses premiers magasins au Québec cette semaine. Ils nous ont promis, depuis qu'on sait qu'ils vont ouvrir au Québec, une expérience similaire à celle des États-Unis. Puis moi, je suis un... fan de Target aux États-Unis. Je vais à toutes les semaines quasiment, ou à toutes les deux semaines maximum. Mm-hmm. Et puis, j'avais vraiment des attentes très élevées par rapport au magasin aussi au Québec. Puis, ces attentes-là ont été... Target a réussi à atteindre là, mes attentes. Je suis vraiment là, content là, qu'on ait là, des magasins comme ça ici au Québec. C'est quoi la différence entre, par exemple, Target puis l'ancienne... Zaleuse. L'ancienne cochonnerie qui ont tout racheté les magasins. Zaleuse, là, il y avait la réputation. Là, ça, c'était... fréquenté par une clientèle qui n'était pas nécessairement à très, très haut revenu, qui c'était des affaires plus ou moins cheap. mal présenté. Là. C'est un magasin qui vendait ça, puis c'était présenté de cette manière-là. Mais chez Target, il y a une philosophie là, derrière ça, puis c'est présenté d'une certaine façon. Il y a un souci là, du design là, assez important. Là. OK. Pis, de la présentation, puis du calme dans leur magasin, puis comment les produits sont présentés, puis comment les clients... C'est vraiment tout est pensé chez Target, contrairement à Zellers, que il y avait rien qui était pensé, ou du moins, s'il avait pensé à quelque chose, ben ça paraissait pas là, qu'il avait pensé. Il aurait dû penser plus longtemps. Oui, c'est ça. Donc, kudos à Target. Et puis, également, kudos, on en a parlé au début là, de l'émission, ça m'a pris 1h30 à voir mon iPhone au Apple Store. Kudos aux deux représentants de Rogers Fido qui étaient au Apple Store puis qui ont traité mon dossier patiemment pendant 1h30 avec moi à essayer là, de faire activer l'offre de rétention que j'avais à mon compte, qui ont fini par réussir, là, mais qui ont délaissé, là, on peut dire, les autres clients là, pour s'occuper de moi. Là, qui était... Mais je comprends pas pourquoi qu'ils l'activent pas tout de suite puis qu'après, ils s'arrangent. Tu t'arranges avec la personne au téléphone. Une fois que tu es parti, ouais. C'est plus compliqué de le faire par téléphone. S'ils te laissent partir puis qu'ils ont activé comme n'importe quoi dessus, mm-hmm. C'est pas évident après ça qu'ils vont remettre l'offre que tu avais. Parce qu'eux autres, ils ont des ordinateurs puis ils peuvent pas fabriquer. C'est comme des boîtes qui disent « OK, ça, c'est le morceau de data. » Je le mets là. « Ça, mm-hmm. c'est le morceau de... » Puis s'il n'existe pas, si la boîte n'existe plus, comme le 6 gigs, ça existe. Non, plus. Fini. Ouais. Ben, ils peuvent pas te le mettre. Il y a aussi le fait qu'en partant du Apple Store, je signe le contrat qui me lie pour les deux prochaines années en entreprise. Puis sur le contrat, ben, il y a le détail là, de ce que j'ai dans mon forfait, puis de à quoi je m'engage à garder là, pendant les 2 ans. Là. OK. OK. Pour ma part, mon coup d'eau, c'est bien, il va à ma gang de malades qui ont fait une job de cinglé depuis les 2 dernières semaines pour le lancement du iPhone et la mise en vente du iPhone, pour le lancement du iOS 7 et la préparation de l'événement iPad qui aura lieu probablement en octobre. On commence déjà ça. Donc, Jean-François Roy, Jean-Michel Boily, Bernard Ouellet, Kim Auclair, Marc-Antoine Berthiaume, Jonathan Moreau et Jonathan, l'homme le plus resourceful au monde, Laberge, qui s'est joint à l'équipe dernièrement pour nous donner un petit coup de main, Alexandre Algora, Paul Ross et sa gang de ReptilTech et mes collègues très compréhensifs de chez ClickPom, et même que Vincent qui nous a battus à la ligne d'arrivée et qui est arrivé avant nous dans la ligne du iPhone. Donc, je vous remercie. J'en oublie peut-être. Là, il y a d'autres gens qui sont venus nous rencontrer cette soirée-là. Entre autres, mon ami Safe Solvent, avec qui on est allé faire un tour au Fairview Pointe-Claire pour voir les 15 personnes qui étaient là. Ben oui, ça a l'air que tu étais là. T'es parti. Parce que moi, je suis pas resté pendant la nuit. Je suis parti pendant la nuit. On est allé faire un road trip. On est parti avec l'auto à Martin Rush. Et on est allé voir René Ritchie et la gang qui attendait au Fairview Pointe-Claire. Puis t'es pas dans le centre-ville, hein? T'es comme dans un centre commercial que à 9h, c'est fermé. Ouais, ouais. Il se passe rien. Non, c'est ça. On a fait le tour, c'était super lugubre. Puis à un moment donné, on voit du monde, on est arrivé. On leur a amené une pizza froide et un reste de beignes en offrande de notre bonne volonté. Il y avait du monde qui avait... Il y a un truck blanc, à un moment donné, qui est arrivé. Ils ont débarqué un couch. Ils ont débarqué une table de salon. Ils ont sacré le iPad là-dessus. Ils ont commencé à écouter des comics ou je sais pas quoi. Puis eux autres, ils étaient partis pour la nuit. C'est comme ils attendaient. C'était vraiment drôle. Fait que, mais ils vont tout le temps à cette Apple Store-là? Oui, c'est comme le Apple Store anglo. Là. Ils n'ont pas peur de se faire battre là-bas. Ah, OK. Ben, je comprends. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi ils font pause aussi sur Sainte-Catherine. Parce Sainte-Catherine, que c'est aussi assez anglo. Ben, là. En tout cas, pour les autres, je ne sais pas pourquoi ils vont là. Ils sont leur petite gang. Mais y a un gars que j'ai rencontré là-bas qui est du Club Mac de Montréal. Fait que j'ai l'impression qu'ils veulent ça relax. Ils ne veulent pas se faire... Parce qu'on a quand même du monde pendant la nuit. Ouais, c'est c'est ça, il peut avoir de la bataille, ils ont peut peur. Avoir plein d'affaires. Pas qu'ils ont peur, mais tu sais, ils veulent ça relax, puis tout ça. Pis... Ouais. En parlant de bataille, avez-vous vu l'histoire qui s'est passée au Texas, à Houston, en face d'un magasin AT&T? Il y avait des gens qui attendaient pour l'iPhone 5S. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui est arrivé, là, qui les a hold-upping carrément avec un fusil. Là, ah ouais? Les a volés, ben là, voyons donc! Wow! À Houston, au Texas. Mmh, c'est super! Ben, c'est nous autres, c'est pas pire quand même. Il faut dire qu'il y, avait, il y a beaucoup de police qui passe. Là, dire. Ouais. La police nous watchait, là, surtout avec le truck qu'on avait. Là, c'est comme, Mais je suis sûr qu'au Texas, s'il y avait eu des enseignants avec des fusils, ça ne se serait pas passé. Oui, non, c'est sûr. Et sinon, mon coup de 12, eh bien, en fait, c'est un coup de 12 à nous. À toutes, en fait, les gens qui, durant les dernières années, ont gueulé contre les compagnies de télécommunications. Parce que après avoir autant gueulé, le CRTC a légiféré pour diminuer le nombre d'années que les compagnies pouvaient nous donner dans un contrat. Donc, on est maintenant à 2 ans de contrat. Mm-hmm. Par contre, à ce 2 ans-là, les compagnies nous donnent la même subvention au niveau du téléphone sur une période de 2 ans au lieu de 3 ans. Donc, elle est séparée par 24 au lieu de 36. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont augmenté le prix des forfaits de façon ridicule. Ben oui. C'est 150$ pour avoir à peu près ce qu'on a aujourd'hui en termes de data. Qui nous coûte 60. Qui nous coûte 60. Pour ma part, 50$ pour 10 gigs. En ah, plus, oui, ouais, c'est ça. Donc, et d'après ma compréhension des choses, dans 2 ans, tu pourras quitter ton contrat, mais ce n'est pas certain qu'ils vont te faire un prix pour le téléphone subventionné. C'est-à-dire qu'ils vont-tu vouloir te garder? Ils vont-tu... Oui, ben oui, parce que t'achètes ton téléphone, comme chez Fido, t'achètes ton téléphone sur un FlexTab de 24 mois, là, qui appelle donc la subvention de ton téléphone divisée sur 24. Un coup que t'as payé la subvention de ton téléphone, tu peux décider de la payer en 3 mois si tu veux. OK. Ils vont t'offrir le prix subventionné pour un nouveau téléphone. Ah, OK. Parce ça, que maintenant tu t'engages plus pour 24 mois sur des composantes de ton forfait comme avant. Tu t'engages sur 20, tu divises l'avantage monétaire que tu as sur ton téléphone sur 24 mois. Ah, OK. C'est pas mal. C'est comme ça chez Rogers aussi. Là. Je sais pas chez TELUS ou chez Bell si c'est comme ça aussi. Puis eux autres, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils incluent. En fait, chez Rogers, ce qu'ils semblent faire, ils ont augmenté les prix, c'est qu'ils semblent inclure le prix de cette subvention-là caché dans le prix du. C'est ça, tu payes plus cher, là, finalement. Voilà. Mais si tu veux t'en aller. En tout cas. Ah, c'est compliqué. Il faudrait, faudrait se trouver quelqu'un qui est pas pire en CRTC, en télécommunication. Non, mais c'est vraiment en télécommunication. Monsieur Michael Gaist. Ouais. Sinon, eh bien, on vous passe une petite publicité avant de vous reprendre après pour les nouvelles. Oui. Vous aimez les podcasts? Les Mystérieux Étonnants et Choc FM présentent la 2e édition du podcast All Stars, une émission spéciale qui regroupe certaines des meilleures émissions en balado-diffusion au Québec. Le tout sera diffusé en direct sur www.mystérieuxétonnants.com le 12 octobre à compter de 18h. Le podcast All Stars, un rendez-vous à ne pas manquer. Merci Bernard. Eh bien, on est de retour au podcast Mac Québec. On a fait un podcast jeudi soir passé, mais il y a quand même des nouvelles, différentes choses à discuter. Donc, c'est pas mal intéressant. Et on peut faire un retour sur le lancement du iPhone 5S, 5C de vendredi dernier, même si on en a parlé un peu. Dans un premier temps, Apple qui en a pas vendu tant que ça. Seulement 9 millions. Seulement 9 millions. On a vérifié, en fait, quand le chiffre est sorti, il y a quelqu'un qui a posé la question. Il a dit OK, ils ont pété le record de combien par rapport au iPhone de l'année passée? L'année passée, pour la même période, ils avaient sorti 5 millions d'iPhone. Ils en ont vendu seulement 4 millions de plus. Évidemment, ils granulent pas, en fait, s'ils vendent de 5C, 5S. OK, ils calculent tout, là. Oui, c'est ça. C'est tout ensemble, le chiffre qu'il a donné. Par contre, nous, dans la file, il y a 2 personnes sur les 150 qui ont demandé un coupon pour un 5C. Ça donne une idée. Ouais. Puis, Il y avait un chiffre là, qui était sorti. Ils ont vendu 3,7 fois plus de 5S que de 5C, là, globalement. Et ce qui a fait, en fait, que Apple a fait un ajustement, a demandé, parce que quand tu émets tes prévisions, si t'es trop loin de tes prévisions, c'est pas bon. Fait qu'ils ont demandé, puis c'est quelque chose que tu peux faire, mathématiquement, il n'y a pas de problème. Ils ont demandé un ajustement des prévisions du corps, justement, à la hausse que causera cette forte demande-là. Fait que c'est quand même assez impressionnant. Fait que les gens qui disent qu'Apple est en train de mourir, Apple, ils n'innovent plus, En tout cas, moi, je suis pas certain. Je suis pas certain de ça. Mais en tout cas, c'est pas ce que la majorité de la population pense. Non, effectivement. Mm. Sinon, en fait, ben, ce téléphone-là est un téléphone en fait, qu'Apple disait beaucoup plus rapide, autour de 46 fois plus rapide au niveau processeur que le premier modèle. Mm-hmm. Et à peu près 50 % de cette vitesse-là, il la prend entre le iPhone 5 et le iPhone 5S. Donc, le processeur A6 A7, qui est 50 % plus rapide. Il y a des tests de Geekbench qui sont sortis. Le iPhone 5S est à peu près équivalent en termes de score à ce qu'un Mac Mini 2010. On parle d'un ordinateur qui a 3 ans, bientôt 4. Mm. Donc, ce qu'un Mac Mini 2010 avait comme puissance de calcul, c'est assez impressionnant. C'est trop, peut-être même. C'est comme, Tu penses? Ben, je me sens. Comme je disais avant de rentrer en onde. C'est bien beau, là, mais les prochaines versions, ça va être quoi? Encore du processeur plus vite, puis plus gros. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus avec? Tu sais, je veux dire, pour les communs du mortel là, qui sont sur Twitter, Facebook, là, que ça soit un Mac Mini 2010, là, ouais. M'excuse, là, mais ça ne changera pas grand-chose. Là, mettons, moi, j'ai le 5. Vous autres, vous avez le 5S. Mm-hmm. Moi, je m'en vais jouer dessus. Moi, je joue pas à des jeux là-dessus. Là. Non. Mon Twitter rentrera pas plus vite là-dessus que sur le mien, que sur mon 5. Là. C'est vrai, mais si tu veux commencer à avoir des trucs où est-ce que tu parles au téléphone, où est-ce que il calcule, tout ce qui est Siri, tous les nouveaux services qu'ils veulent mettre dessus, ça, ça va prendre de la vitesse de calcul. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser cette puissance-là pour rendre le parallaxe, tous les effets d'icônes qui sont intéressants puis que les développeurs vont pouvoir utiliser. Mm-hmm. Ben, ça rend l'expérience plus organique, plus intéressante. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on dit ça, mais en même temps, on veut toujours l'ordinateur le plus puissant. T'sais. Ouais, mais. Parce que tu peux faire beaucoup de choses quand même là-dessus, ce que tu peux pas faire là-dessus. Là. Ben, l'affaire, c'est ça. C'est que, éventuellement, si on veut le téléphone qui fait, comment ça s'appelle, l'hologramme, puis tout le kit, puis on a besoin de quelque chose qui va être capable de driver ça. Fait que, en fait, les prochaines innovations risquent plus à être au niveau de l'économie d'énergie. On risque peut-être de voir les écrans courbés. La prochaine fois. Pas comme la Mighty Mouse qu'on avait vu l'année passée là, sur Internet passé. Oui, il était un peu drabe, hein, ce téléphone-là. Ouais, c'était un petit peu laid. Mais on va voir, en fait, on laisse encore... c'est le fun, par exemple, qu'on puisse se demander qu'est-ce que Apple peut mettre dedans, parce que probablement qu'ils se posent la même question. Pas juste Apple, les autres compagnies aussi. Là, t'sais, je veux dire, je m'excuse, mais un Samsung Mega, là... Mm-hmm. À part d'être immensément gros, là, tu te vois-tu appeler avec ça, toi? Hey, je voyais photos sur Internet. Est-ce qu'on se voit juste transporter ça? C'est ça. Tu vois juste transporter ça. Tu vois pas l'utiliser à côté de ton oreille. Là. C'est comme ta main rentre pas, premièrement. Là. Mais c'est ça, parce qu'à un moment donné, l'évolution, on va aller jusqu'à où? Moi, quand je magasine du linge, souvent, il me fait pas. Tu sais, puis il y a même pas les poches qu'il faut pour mettre ça dedans. C'est ça. Parce qu'il y a pas de poche encore pour un iPad mini, là. Ben, à l'intérieur de vestons, mais des vestons spéciaux, des compagnies qui font des vestons à 600$, tout ça. En tout cas, on verra, mais... Sinon, en fait, j'écoutais nos amis du podcast Cacao Cast, qui est un super podcast de développeurs que j'écoute de plus en plus. Je suis en train de réécouter les anciens modèles. Les anciens épisodes. Et ils nous apprenaient, en fait, que parce qu'eux autres sont beaucoup plus dans le développement puis dans les API puis tout ça, que Siri utilise, en fait, du multipath TCP. Donc, quand tu demandais à Siri avant une question... Si tu étais sur le réseau sans fil et que pour une raison ou une autre, le réseau tombait, il y avait un time-out, ta question elle tombait dans le beurre. Genre, tu sortais de chez vous. C'est ça. Mettons, tu poses une question en sortant de chez vous, puis là, oups, tu déconnectes du Wi-Fi, c'était « screw you ». Là, ce que ça fait, c'est que ta requête, elle peut être reroutée sur le réseau cellulaire quand tu bascules de l'un à l'autre. Okay. Donc, à ce moment-là, en fait... Il y a moins de chances. C'est pas parfait. On l'a vu tout à l'heure. Oui, tantôt, ça ne marchait pas. Ouais. Mais c'est pas parfait, mais le time-out est moins fréquent. Siri sur iOS 7 est beaucoup plus rapide. Ouais. Par contre, ça arrive souvent, moi, qu'il a l'air de patauger dans le gadou un peu ce qu'il faisait tout à l'heure. Puis je suis obligé de demander une deuxième et une troisième fois. On a montré aussi sur au podcast de jeudi soir qu'on pouvait demander à Siri de changer la prononciation. Ouais. Et en fait, quand on lui demandait ça, il changeait, il transformait, il te présentait trois présentations différentes, trois noms différents. Tu les écoutais, tu pouvais lui dire, ben moi, je veux dire, tu sais, par exemple, je veux appeler Jason. Ben, je veux le prononcer Jason ou Jason. Ben, à ce moment-là, il va te présenter les trois, puis tu vas pouvoir lui dire, prononce-les comme du monde. Moi, quelque chose que j'aime pas dans Siri, c'est, je sais pas, mais on peut lancer de la musique avec Siri. J'aime ça faire ça dans l'auto des fois. Ouais. Mais ma bibliothèque musicale est à 99% anglophone, puis je peux pas y dire de lancer un artiste anglophone. C'est vrai, hein? Ça serait le fun, je sais pas. Quand je dis jouer telle piste, qu'il y a comme un déclic automatique qui se fait que, ah, ça se peut qu'ils disent quelque chose en anglais. Là. C'est vrai. C'est la détection de la langue, puis je pense que c'est le BlackBerry 10 qui le fait au niveau de la détection. Tu peux commencer à écrire en français, puis si tu mets des mots en anglais, il va les détecter, puis il va les écrire. Parce que là, j'ai le choix soit de mettre Siri en anglais, puis pouvoir lancer ma musique, mais là, dans ce cas-là, je peux pas envoyer de message texte, faire des appels, parce que mes contacts ont des noms francophones à 99%, j'envoie des messages textes en français. Fait que là, si tu mets Siri en anglais, tu lui demandes de faire jouer du Linda Lemay, elle dit, waouh, ouais, ce fait-là, lâche la drogue, là, quelque chose. Là. Une des choses que tu peux faire, c'est le mettre en anglais pour pouvoir commander ta musique. Puis dans tes claviers, tu mets le clavier français et le clavier anglais. Et quand tu veux envoyer un message, tu lui dis Siri, send a message. Et quand il s'ouvre, tu switches le clavier et tu utilises tu utilises la capture de langage plutôt que Siri pour faire ton message. Fait que tu pourrais le faire effectivement comme ça. Ouais, faudrait que j'essaye ça parce que en tout cas c'est un dilemme là, que j'ai présentement. Excellent. Donc, un petit résumé encore au niveau des iPhones, de la mise en vente. Il y avait peu de modèles de couleur or de disponibles. Moi, j'en ai eu un, Bling Bling. Il est caché, en fait. Je ne sais même pas pourquoi tu as acheté ça. C'est noir. Ben, je l'ai acheté parce que je voulais pas qu'on me pose la question, t'as-tu le dernier modèle? Il est gold. C'est sûr j'ai le dernier modèle. Voilà, mais c'est sûr aussi qu'il faut le protéger. Je pense même que j'ai une scratch. Non, c'est bon. T'as pas fait comme l'année passée avec... On était allé tout de suite chez Future Shop. Ouais. Là, j'avais une housse, je l'ai mis dedans, mais j'ai rien mis encore pour protéger l'écran. Je sais pas, je pense que je vais essayer cette année de pas protéger l'écran. Regarde, moi, je n'ai pas dessus. J'ai jamais mis ça. Puis mon écran est super belle, là. Fait que, tu sais, je l'échappe de temps en temps, mais avec l'Otherbox, ça protège bien. Ça protège assez. Puis là, ton 5, t'as fait quoi avec? Je l'ai donné à ma maman. Ah, OK. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé celui-là sur mon compte comme un nouveau téléphone. J'ai pris... T'avais appelé auparavant ou non, tu l'as fait direct là-bas? Je l'ai fait direct là-bas. Ah, je suis rentré, j'ai dit, je suis client, je veux activer un nouveau téléphone. Ils ont fait une enquête de crédit, ils ont dit c'est correct. Et je suis parti avec le téléphone. Ils m'ont donné une carte SIM avec... Qui ont activé, ils me l'ont donné. Quand je suis arrivé chez ma maman, j'ai pris la carte SIM, je l'ai mis dans mon 5. J'ai pris ma carte SIM à moi, je l'ai mis dans le 5S. Puis là, ce qui est cool, c'est que les contrats sont aux 2 ans. Fait qu'une année à l'autre, je vais changer soit mon téléphone, soit le sien. Puis moi, je vais prendre le nouveau, puis je donnerai l'ancien. Ils font une enquête de crédit? Oui. Pourquoi? Parce que quand tu pars, tu... Oh, mais t'en as déjà un compte. Non, c'est parce que... pourquoi qu'on s'entend plus, là? Ben oui, on s'entend. Moi, je m'entends moins, mais okay. À la fin du mois, tu le dois quand même là, presque 100$. Ouais. Ils veulent savoir si tu vas lui rembourser le 100$. C'est pour ça dans le cas de crédit. Ah ouais. Ouais. Ah ben. Ah, je sais que je n'ai pas une au début, mais je ne sais pas pourquoi. Si tu veux rajouter une personne. Compte, ouais. Ouais, si tu veux rajouter une ligne sur le même compte, ils ne passeront pas, mais si tu veux créer un nouveau compte, ils vont passer l'enquête. Ils font une enquête de crédit sur l'autre personne ou sur toi? Sur moi. Okay. Moi, ils ont fait une enquête de crédit sur moi pour rajouter un deuxième téléphone sur la. Ah, même si c'est au nom de ta mère? Ben, c'était pas au nom de ma mère. Ah, OK, tu le mets à ton nom? Ouais. OK. Non. Ah ben, non, c'est juste ça va la même parce que moi. Les couleurs or étaient tellement en petite quantité. Il y avait, même à Montréal, ça s'est passé, en fait, il y a du monde qui passait pour demander « As-tu un gold? Qui c'est qui a un gold? Qui c'est qui veut me le vendre? » Il y a des offres là, un peu de 20 piastres. Sur eBay, les téléphones ont monté jusqu'à 2000 $. Hey, c'était écœurant, là. J'aurais dû m'acheter un gold puis le revendre. J'aurais pas eu à revendre mon iPhone 5. Tu t'achètes un gold puis dans l'après-midi, il en restait des noirs. Fait que t'aurais pu racheter ton noir. Là. Ouais, surtout que je suis troisième. Fait que je l'aurais eu. Ouais. Fait que. Dès que tu mets la main dessus, t'as préparé l'annonce, paf, tu le mets en ligne. Les stocks se sont étaient excessivement bas aussi chez les revendeurs. On a entendu dire pendant la nuit sur iPhone in Canada, on a vu ça passer sur Twitter, il y avait un seul Rogers Store dans la région d'Ottawa qui avait des iPhone 5S en stock. C'est vrai? Ouais. Wow. OK. Ils ont dû envoyer ça dans le plus gros, puis les petits kiosques ailleurs ou les petits magasins, là, ben, dirigez vos clients vers le plus gros. Là. Ouais. Ben, il y avait tout le système, en fait. Tu pouvais précommander chez les... chez les fournisseurs. À partir du matin même. C'est ça. Puis pas sûr que tu vas l'avoir à une date intéressante. Oui, c'est ça. Ben, les précommandes viennent juste de commencer à être expédiées chez Fido. OK. Ça vient de commencer à bouger là, dans les listes d'attente. OK. Puis les écoulements de stock, en fait, de iPhone 5S, dans l'avant-midi, ont été faits. Ils ont à peu près tout vendu ce qu'il y avait moi, de 5S. J'ai été au Apple Store 10:30 en soirée, m'acheter un magnifique Calm MagSafe. Ah, tu l'as même pas acheté sur 64 heures? Non, tu l'as oublié? Je ça faisait une heure. Ah ouais, tu t'es écœuré, ouais, ok, c'est ouais. Plus, là, c'est que, normal, ouais, ok, c'est ouais. Puis j'ai essayé de jaser avec le gars qui s'était fait dire probablement par son gérant ne pas rien dire à personne, mais il m'a dit que dans l'avant-midi, il n'y avait plus de 5S. Wow! Mm. OK. Puis on savait encore à cause des précommandes qu'il ne devait pas en avoir beaucoup, mais de là à les vendre en un avant-midi, là. Quand même 9 parle, millions en trois jours. Là. Exactement. Ouais. Puis quand le monde nous dit pourquoi vous faites la file, ben c'est pour ça. C'est parce qu'on le sait qu'elle valait à peine la file. Elle valait de quoi? Le Apple Store en ligne est à 7 à 10 jours de délai pour l'envoi à l'ouverture. Quand ça a commencé à 3 heures du matin, le vendredi. Exactement. Et là, c'est rendu en octobre en cours de journée pour le modèle 5S. Mm-hmm. Les iPhone 5C sont disponibles dans les 24 heures. Donc ça, il y a un bon approvisionnement. Mm-hmm. Puis en ont, tu sais, le processus de fabrication est maîtrisé, tout ça. C'est les mêmes composantes internes, c'est juste l'extérieur qui change, puis c'est du plastique. Exactement. Donc, le système de réservation en ligne n'est toujours pas actif, signe que les stocks sont encore instables en raison de la forte demande, évidemment. Mm-hmm. Passons maintenant, messieurs, à iOS 7. Qui a été téléchargé par plus de 200 millions d'utilisateurs, considérant que le parc d'appareils iOS tourne autour du 400 à 500 millions d'utilisateurs. Dans ça, on compte là, ce qui n'est pas compatible là, dans les 400 à 500 millions. Oui, c'est ça. Uh-huh. Donc, peut-être un 100 millions d'appareils là, qui sont désuets et qui ne peuvent pas être mis à jour. Uh-huh. L'adoption était très, très, très rapide, on le voyait. Uh-huh. Et encore une fois, les amis de KakaoCast, on veut un taux d'adoption allant jusqu'à 60% sur leur propre plateforme. Jeff, tu peux-tu checker sur Google Analytics à quoi ça ressemble avec Mac Québec? Là? Oui. Ouais, fais une petite recherche, voir si on est à iOS 7 puis à combien de pourcents. On rappelle, Jean-Michel, je vais te laisser rappeler les appareils qui sont compatibles avec iOS 7. C'est ça, les utilisateurs peuvent installer iOS 7 sur l'iPhone 4, 4S, 5, 5S et 5C. Les deux derniers là, viennent de base avec iOS 7. Le iPad 2 et le iPad avec écran Retina, donc les deux autres générations qui viennent après. Le iPad mini et le iPod Touch de 5e génération, soit celui-là coloré de 32 GB ou le noir là, de 16 GB. Moi, ce que j'ai entendu par rapport à iOS 7 sur un iPhone 4, c'est qu'il y a des gens qui étaient impressionnés de la vitesse. Eux autres, ils pensaient que ça allait être plus lent que ça, mm-hmm. mais on a beaucoup de rapports de gens qui nous écrivent pour nous dire « Hey, c'est lent ». Par contre, si vous regardez sur Internet, vous avez quelques articles qui vous permettent de configurer votre iPhone pour économiser la batterie. Mm-hmm. Mais ces mêmes configurations-là pourraient diminuer la demande au téléphone et permettre en fait qu'il fonctionne un peu mieux. Le parallaxe, vous n'en avez pas de besoin. Ça paraît pas vraiment là, un coup que c'est désactivé. Voilà. Moi, j'ai à peu près tout fait ces trucs-là. Et il y a bien du monde qui gueule encore sur la batterie. C'est normal. Mm-hmm. Jour 1, on utilise toujours beaucoup plus son téléphone. Puis ça, c'est dans les premières semaines. Par contre, moi, quand je me couche le soir puis que je me réveille le lendemain matin et que la batterie est encore au-dessus de 90 %, mm-hmm. ça faisait pas ça avec mon iPhone 5. C'est vrai. Il l'avait dit, là, ce qu'il avait dit, c'est que le temps en sleep mode, la batterie en sleep mode durait beaucoup plus longtemps. Mm-hmm. Donc, ça paraît là, qu'il y a eu une optimisation. Par le processeur ou par iOS 7? D'après moi, c'est par la puce M7. Donc, il y a certains services mm-hmm. qui sont relayés à ça. Puis la nuit, en fait, ben ils prennent presque rien. Donc, voilà, c'est le processeur M7 qui devrait aider tout ça. Mettons, j'ai été sur Google Analytics. Là. Ouais. J'ai pris à partir de jeudi, ouais. avant que iOS 7 sorte, mm-hmm. jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu 2000... Il y a environ 2000 personnes qui sont sur iOS 7 contre 600 personnes sur 6.1.3. Okay. Et mettons, si je prends une semaine avant, je vais prendre, mettons, ici. Techniquement, on ne devait pas avoir beaucoup de iOS 7 une semaine avant. Il doit y avoir moins. Ben, 417. Oh, quand même. Il y a eu 410. Oh, ben, si des visites uniques, ça, ou bien des visites? C'est visite par visite, là. Visite, là. OK. Fait que c'est ça. Puis c'est 417 contre 4005 à peu près, juste en 6.1.3. C'est 10 fois plus important. Fait ouais. que, ouais. Quand même. Sinon, JF, toi, tu l'as pas. T'as-tu joué un petit peu avec. Ben, j'ai joué avec le vôtre tantôt, là. Mais moi, ça ne m'impressionne pas. OK. Sinon... La question est plus pour iOS 7 en général, que pour la 5C. Là. OK, OK. Uh-huh. Donc, quelle est la fonctionnalité nouvelle la plus intéressante ou utile de iOS 7? Et moi, je n'ai pas répondu par rapport à iOS 7. J'ai répondu par rapport au téléphone. Mm-hmm. Pour iOS 7, moi, je dirais le Control Center que j'utilise beaucoup. Mm-hmm. Moi aussi. Je serais tenté de répondre à la même chose. Ça. Mais j'aimerais ça qu'il soit modifiable. Un petit peu plus control, oui. Oui, un petit peu plus control, exactement. Ça... Mais déjà, c'est une bonne avancée. Oui, c'est une bonne avancée. Mais moi, comme j'ai dit la dernière fois, vraiment que je peux changer une coupe d'affaires en bas. Là, parce que moi, la calculatrice... Je sais pas, une calculatrice là, tu calcules pas tout le temps là, fait comme moins que tu sois un mathématicien là, mais bon. Sinon en fait, moi ma fonctionnalité préférée pour le iPhone, c'est le Touch ID. Ça fonctionne numéro un. En fait, même pas besoin de slider, il bypass le slide to unlock. Donc tu cliques pour ouvrir ton téléphone, tu lâches en laissant ton doigt sur le bouton, puis presque instantanément, tu te retrouves sur ton écran d'accueil. Il faut absolument que tu pèses dessus. Ben, tu pèses pour l'allumer. L'écran est éteint, j'appuie pour allumer le bouton, je le relâche sans enlever mon doigt, puis l'iPhone se débarre automatiquement. Okay. Ouais. T'as 9 mises à jour à faire. Oui, ils vont se faire ce soir quand je vais connecter. Ça, c'est justement une des fonctionnalités qui peut être désactivée pour préserver la batterie, c'est-à-dire la mise à jour des applications en tâche de fond. Donc, quand c'est activé, ta batterie descend beaucoup plus vite, mais tu n'as plus... Ça, c'est la fonction John Mackey. Oui. La mise à jour des applications qui se fait automatiquement en arrière-plan. Mais c'est quelque chose qui est pratique parce que moi, j'étais du genre à me ramasser là, avec 42 mises à jour à faire. Là, je ne le faisais pas. Là, puis, je me réveillais et je faisais ça. Là, mon iPhone était inutilisable là, pendant... Mais moi, j'arrive chez des clients des fois, puis ils ont 42 mises à jour à faire, puis ils font comme « Ah, t'as besoin d'un temps tout seul? » Oui, je pars les mises à jour. C'est vendredi qui est sorti. Quand est-ce qu'il est sorti, iOS 7? Mercredi passé. Bon, mercredi. On a eu beaucoup de mises à jour d'applications cette journée-là. Ben, dans le téléphone, j'arrive chez nous, moi, j'ouvre mon iTunes, parce que moi, j'ai toute ma librairie d'applications. Mm-hmm. Il était 6 heures, je pense, j'avais 55 applications à mettre à jour, qui se sont toutes mises à jour pour iOS 7. J'ai jamais vu autant d'intégration si rapide par les développeurs. Ouais, mais ça, c'est graduel. Oui, c'est ça, exactement. Là, on dirait que tout le monde a été « ping! » Ah ouais, on shoot tout. Fait que... Parce que leur application était prête d'avance, puis ils les ont soumis. Puis Apple a dit « Bon, ben ça Apple va être sorti la journée. » Voilà. Même, là. Comme des chiens en furie. Une petite nouvelle, en fait, assez intéressante, mais qui ne nous touche malheureusement pas vraiment, c'est que l'App's Apple Store a gagné aux États-Unis la possibilité de voir les stocks d'iPhone en temps réel en boutique. Fait que c'est le fun, parce que tu te commandes un iPhone, et si tu dis « je veux aller le récupérer en boutique », ils te disent « on n'a pas ». C'est super, c'est malade, là. Mais c'est seulement aux États-Unis. Puis c'est quand tu rajoutes le téléphone à ton panier ou est-ce que tu peux, tu peux aller on voir ça? On n'a pas ça, le ramassage en magasin au Canada, là, même sur ce qui n'est pas iPhone. Je pense qu'ils l'activent comme pendant la période des fêtes, mais c'est à peu près tout. Ouais. Ils ne le gardent pas pendant le reste de l'année, malheureusement. Mais cette application-là, aux États-Unis, elle n'est ben, pas bien, bien plus, mais il y a quelques options supplémentaires qui sont intéressantes. J'ai essayé, en allant acheter mon adaptateur MagSafe, justement, au jour de payer avec EasyPay. J'ai jamais trouvé le bouton EasyPay. Puis pourtant, j'étais connecté sur le Wi-Fi. Ouais, mais t'as-tu rajouté ta carte de crédit dedans? Oui, oui, j'avais ben, vérifié. Ta carte de crédit est ajoutée, c'est ton Apple ID. Oui, j'ai vérifié avant de rentrer dans le magasin, en plus. J'ai jamais trouvé, puis... Ben, c'est dans les derniers petits trucs... Faut que t'ailles, ouais, en fait. L'option est supposée apparaître quand le téléphone se rend compte qu'il est connecté au Wi-Fi dans Apple Store. Ah ouais. Ouais. Pour pas justement que tu sois chez vous puis je vais essayer de scanner le code barre de mon iPod Touch puis payer. Je me ramasse à payer $200 chez nous là. Parce que c'est sûr que certains qui en auraient qui le feraient puis en disant ben je suis pas au Apple Store, ils me chargeront pas ma carte de crédit là, mais. Reçu EasyPay. Ouais, ça, je le voyais, mais il est supposé avoir un bouton EasyPay où je peux scanner mon article. Puis, ben peut-être qu'il n'apparaît pas. Il apparaît au Apple Store. Quand tu es connecté sur le Wi-Fi Apple Store. Bon. Est-ce que tu as regardé si tu n'as pas coupé la localisation sur l'application Apple Store? Peut-être. C'est probablement. Je vais. Probablement que c'est ça. Je vais aller acheter quelque chose, là, 10$, là, juste pour l'essayer. 10$ ou Apple Store? Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas aussi. Oui, un. Comment ça s'appelle? Un Square. Un Square. Un Square. Ouais, Square. J'en ai déjà un. Ouais, un Square à 10$. Il y a. Ben, évidemment, en fait, avec la mise à jour de iOS, il y a eu la mise à jour de Xserve, Xcode, à la version 5 finale. Il y a eu une mise à jour de iTunes pour notre ami Yann Thériault. Et il y a eu, bizarrement, une mise à jour du Apple TV, à la version 6.0, qui a été lancée, puis retirée, puis remis. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Apparemment, la première fois qu'ils ont lancé la mise à jour 6.0, il y a certains appareils qui étaient rendus inutilisables lors de l'installation de la mise à jour. Qui étaient briqués par la mise à jour. Ouais. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, parce que moi, j'ai tout le temps eu les mises à jour bêta. J'ai tout installé, parce que moi, je voulais essayer avec Maverick, tu sais, le multi-écran. Bon, j'étais obligé d'avoir ça, sinon ça ne fonctionnait pas. Puis là, je vois ça, je fais... Parce que moi, la mise à jour automatique est activée dans mon Apple TV. C'est une nouvelle fonction qu'ils ont rajoutée dans cette version-là. Ah, okay. Fait que là, t'as plus besoin de faire tes mises à jour. Fait que l'Apple TV se redémarre automatiquement dès qu'elle est comme maintenant tout le temps connectée. Okay. Fait que quand elle découvre qu'elle a une nouvelle mise à jour, elle va aller la faire. Mais là, je dis, oh my God, j'espère que mon Apple TV, il est pas brisé, parce que là, tu ne pouvais plus la repartir, ça ne marchait plus. Là. OK. Fait que là, quand j'ai vu, oh mon Dieu, merci Seigneur. Tu sais, parce que, OK, ils l'auraient changé, là. Tu t'envoies à Apple Store. Non, mais d'après ce qu'ils disent, là, ici, c'est qu'il fallait seulement le connecter avec un câble micro USB là, sur l'ordinateur, là, avec le petit port, là, qu'il y en a. Ouais. Puis le réinstaller complet avec iTunes, ça fonctionnait. Il tombe en espèce de le DFU mode. Ouais. On dirait que c'est pas quelque chose qu'Apple veut dire aux clients qui en fait un port, que c'est un port micro USB en arrière. Ben, t'es obligé. T'es obligé de. Ben, je veux dire, mettons, si ton Apple TV marche plus, là, mettons, ouais. L'OS qui est dedans, mais il fonctionne plus, mais tu es obligé de le réinstaller avec iTunes. Il n'y a pas rien dans la documentation d'Apple qui dit ça, c'est un port micro USB, puis c'est utilisé pour le restore. C'est je vous laisse comme, jaser deux petites minutes. C'est un port pour le service, puis c'est ouais, pas... Oui, c'est ça, c'est pas, ça. Il n'y a pas de détails. Tu le sais pas. Puis il faut que tu saches aussi comment la brancher, parce que faut qu'elle soit complètement débranchée, le USB dedans, le courant après, parce que sinon, ça marche pas. Fait que là, après, il apparaît automatiquement. T'as pas besoin de le brancher dans le courant quand t'es branché à l'ordinateur. Moi, ça marche pas sinon. Moi, quand j'ai déjà installé une bêta dessus, t'as pas besoin de brancher de courant quand t'es à l'ordinateur. Ah, ok, peut-être, mais en tout cas, moi, je pense que ça marchait pas, mais en tout cas, whatever, là, c'est pas bien grave. Là. D'après ce que je me souviens. Ouais, mais en tout cas, fait que là, moi, je l'ai fait, ça fonctionne. Là, quand j'ai vu que... qu'il l'avait enlevé, genre, mon Dieu, j'espère que Apple TV fonctionne, parce que ça me tentait pas de me rendre au Apple Store. Ouais. 20 000 $, maman. Puis, de toute façon, il est encore garanti. De toute façon, il me l'aurait même changé, même si ça aurait pas été garanti. Ben, ils ont admis que c'est de leur faute. C'est ça, c'est leur faute. Je sais pas ce qu'ils ont fait, là. Bon, ouais, rien, c'est comme. Ouais, c'est ça. Puis, la journée même, non, le lendemain. T'as peu. Ouais, le lendemain. Mm-hmm. Ils ont envoyé une mise à jour, une nouvelle mise à jour. OK. Qui. Ouais, ça n'a pas été long, là. Non. Une journée, là, ils ont trouvé le bug, là, puis ils l'ont corrigé. Ils ont envoyé une autre mise à jour. Mm-hmm. Et, ben là, moi, là, ça ne s'est pas fait automatique parce que j'y demandais trop souvent. Fait que là, à un moment donné, il fallait que je la redémarre, puis que j'aille le rechercher la mise à jour parce qu'elle ne fonctionnait pas. Mm-hmm. Puis j'ai installé la mise à jour, puis elle fonctionne. Fait que, avec cette mise à jour-là. Elle n'est pas faite pour Maverick encore. Ils l'ont laissé là, mais ils vont en faire un autre. Ils vont avoir une prochaine version, sûrement quand que 7.1 va sortir, là, qui devrait être à 20 même. Là. Ouais. On devrait être la semaine prochaine, d'après moi, on va avoir un bêta 1 de 7.1 qui va apparaître sur le centre. Ah, je suis presque sûr. Mm-hmm. Il y a trop de bugs. Il y a encore beaucoup de bugs dans la version 7.0. Il y a beaucoup de bugs. 7.0 ou 7.01, il y a une petite mise à jour qui est sortie pour le iPhone 5S. Ouais. Fait que, d'après moi, ils vont nous shipper une version bêta à partir de la semaine prochaine. Là, pis, parce qu'il faut dire aussi que, ben, les rumeurs octobre, il y aurait une autre conférence d'Apple. Ouais, pour l'iPad. Pas pour l'iPad. Pour l'iPad, iPad, iPod, puis c'est ça. Mais c'est ça. MacBook Pro, Maverick, faut qu'il parle de Maverick aussi, lui, il s'en vient. Il est lancé en même temps, là, il est présenté aussi, il est tout présenté, mais ils vont annoncer le lancement officiel en octobre ou en début novembre. Il y a Tim Cook, en fait, qui est allé au magasin de San Jose vendredi pour voir les clients acheter leur nouveau iPhone. Palo Alto, San Jose? C'est juste à côté du... Et en même temps, ben, en fait, on a appris que Tim Cook venait de s'ouvrir un compte Twitter. Il apparaît sur Twitter, c'est le Tim_Cook. Mais tu regardes la date de fabrication du compte. Là. Sa date. Ah oui? Fait qu'il a tweeté pour la première fois. Attends, je vais te le dire. Hmm. On peut le voir sur Tweetbot là, plus facilement. On va regarder ça. Depuis le mois de juillet que le compte est créé. Ah, quand même. Fait que quand ils l'ont annoncé, le compte n'était pas certifié encore. Ah, OK. Puis dans le courant, genre une demi-heure après, le petit crochet s'est ajouté au compte Twitter de Tim Cook, mais c'est depuis juillet 2013 que le compte a été créé. Là. Hmm. Fait que je sais pas pourquoi que le monde n'a pas vu ça avant. Tu sais, je veux dire, tu sais, il y avait quand même. Il devait pas avoir de photo, puis Tim Cook. Ben, ça a tout le temps été la même photo. Quand ça a commencé, là, il y avait peut-être 6000 personnes. Quand ça a sorti, j'ai fait tout de suite follow. Okay. Il y avait 6000 personnes qui le suivaient déjà. Puis là, il est rendu à 240 000. Fait que, ça aide le crochet. Hein. Ça aide en tabarnouche le crochet. Mais je sais pas, par exemple, y a-tu moyen sur Twitter d'aller chercher juste les personnes qui sont certifiées? Y a-tu une adresse? Quand toi, t'es vérifié, tu peux filtrer par personnes qui sont vérifiées ou non. Okay. Si t'es pas vérifié, tu peux pas le faire. Ah, c'est ça. Tu peux pas demander à être vérifié, à moins que tu sois. C'est eux autres qui choisissent. Ouais. Ou à moins que tu ailles une bonne compagnie de pilleurs puis qui te font certifier. C'est pas mal eux autres. Quoi, Tim Cook? A dû faire pression un petit peu pour être vérifié là, aussi rapidement. Mais... Parce que c'est comme. C'est qui est certifié? Bruno Guaminetti est certifié au Québec. Il y a qui d'autre? Dominique Carpin est certifié. Je ne sais pas comment ils font ces personnes-là pour. C'est les bureaux locaux de Twitter qui font les vérifications. Okay. Puis qui disent oui, c'est la bonne personne. Puis qui. Ah. qui leur disent qu'ils sont satisfaits. Pour que soit connu là, habituellement, là, puis que tu aies le pouvoir d'influencer. Là, Fait que avec mon 109 de clou, tu devrais être popé. Moi, on va le récréer demain, non? OK. Essaye, demande à Sylvain. Moi, je vais demander à Sylvain. Voilà. Sinon, messieurs, ce matin, on s'est réveillé avec une petite mise à jour silencieuse. Les iMac ont été annoncés à la version Aswell. Donc, c'est une mise à jour qui n'est pas tellement importante du point de vue processeur parce qu'on le sait, ce processeur-là est plus une optimisation du côté de la consommation électrique. Par contre, en fait, il y a d'autres choses dans l'ordinateur qu'ils ont mis à jour et qui est très intéressante. Entre autres, en fait, le disque dur qui maintenant est en PCI X, un peu comme en PCI Express, un peu comme ce qu'on va avoir sur le prochain Mac Pro. Donc, quelque chose d'extrêmement rapide comme disque dur. Et le move que je vois là-dedans qui est intéressant, c'est que comme Apple va en consommer beaucoup plus, ils vont avoir un prix encore plus intéressant là, pour... C'était combien avant, le modèle de base? Combien était le modèle de base? Il était moins cher. Ils ont augmenté de prix d'à peu près 250 $. C'était carré, là. Le modèle de base, là, il est 1349 $. C'est pas si pire. Mais c'est pas si pire. Il était rendu à 1199. Pour un 21 pouces. Le premier modèle, celui dont tu parles, est équipé d'une nouvelle puce graphique Intel. Iris Pro. Ça n'existe plus, les HD 4000-5000. Ça n'a pas l'air. Je ne sais pas ce que ça fait. Il faudrait vérifier. Je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais je viens de repenser à ça. Là. Et sinon, les autres modèles, c'est la série 7000 des cartes NVIDIA. Ouais. Donc, pour des gens qui vont travailler fort avec leur ordinateur du côté graphique, c'est une carte qui tient la route. Là. C'est quand même une carte assez intéressante. On peut avoir jusqu'à 4 gigs de mémoire sur la carte vidéo. 4 gigs? Quand même. Eh, monsieur! Des cartes vidéo de 4 gigs. On fait-tu un test? Combien qui coûte le plus cher? Un peu, moi, de faire ça. Vas-y. Pendant ce temps-là, en fait, vous voulez peut-être savoir que le modèle de base, maintenant, on peut mettre le Fusion Drive dedans. Qui est très cher. 200 de plus. 200 de plus. Pis ça vient avec juste 128 gigs. Ouais, c'est un... On a le choix pour 200 d'avoir le SSD de 256 gigs ou le Fusion Drive. OK. Je prendrais le Fusion, moi. Ben moi, je pense pas. Je pense que tu prendrais le SSD de 1 Tera. Ouais, mais ils l'ont mis avant. Ah ouais, ben là. À 1 000 $. À 1 000 ouais, c'est ça. Le 1 Tera, le... 1 000 $. Ah ouais, c'est une pièce du gig. C'est une pièce du gig. C'est encore ça pour des gros disques, mais ça va descendre assez rapidement. Donc, c'est pas mal ça. Ça reste un modèle goutte d'eau. Je peux couper encore. Pour la carte NVIDIA GTX 780M, pour avoir 4 gigs, maintenant, c'est 150 de plus. OK. C'est pas si pire. Parce que tu calcules de même, ça coûte moins cher de prendre une belle carte que de faire changer ta mémoire interne. Parce que, mettons, tu veux la faire changer... tu veux avoir 8 gigs, ben c'est 2 fois 4 gigs. Ah non, tu soustrais, c'est 200 $. Fait que... Puis, ce qu'ils font avec ton 200 $, c'est 200 quoi? 200 pour 16 gigs. Ouais, mais est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils font avec ton 200 $? Non. Parce que tu as 4 slots dans ces appareils-là. OK. Ouais, ça? Tu peux mettre 4 barres. Ouais, mais c'est ça, mais tu finis avec 32 à la fin. Là. Ben, ton 32, il te coûte 600 $. Ouais, mais tu sais, tu peux mettre... Regarde. T'as 8 gigs au début. Ouais. T'as 2 fois 4. Ouais. Mm-hmm. Tu veux 16 gigs, tu leur donnes 200 $. Ils font quoi? Ils remplacent tes 2 fois 4 par 2 fois 8? Ouais, c'est ça. Ou ils rajoutent 2 fois 4? C'est pas pareil. Non, c'est sûr. Parce que la journée où est-ce que tu vas vouloir rajouter de la mémoire, tu vas être obligé d'enlever si t'as 4 fois 4 pour ton 16 gigs. Ouais, c'est Tandis ça. Que si c'est 2 fois 8, bien là, tu rajoutes de la mémoire dedans. 2 fois 8. Là, c'est soit 2 fois 8 ou 4 fois 8 que tu peux faire rajouter. Ah, OK. Excellent. Uh-huh. C'est bon à ce moment-là. Oui. Fait que... Ouais. Ça doit rouler quand même. C'est une belle machine. C'est une machine rapide. Uh-huh. C'est une machine qui est très, très mince. Puis, tu sais, c'est sûr que ça sert à rien qu'elle soit mince de même. Non. C'est au niveau du look. Mais d'avoir été capable de sacrer cette puissance-là dans une machine de même, c'est impressionnant. Parce que la courbe maintenant est belle. Ouais. La courbe est bien plus belle que le modèle avant qu'on a ici ou que lui a. Là. Ça, c'est un vieux modèle, là, mais quand même, mais la nouvelle courbe là, est écœurante. Là. C'est comme, Ça ressemble à une goutte d'eau un peu. Ah, en parlant de nouvelle courbe, Non, c'est correct. Regardez-moi pas de même. C'est quoi les rénovations qu'ils ont faites au Apple Store vendredi? Il n'y a absolument rien d'apparent. Là. C'est identique. À part les tables? C'est le mobilier puis le plancher. La rumeur comme quoi il y avait eu des problèmes d'eau. Ouais. Je ne sais pas s'ils ont changé quelque chose en haut, mais... Moi non, okay. Je ne suis pas monté en haut. OK, fait qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien d'apparent. Il n'y a pas gold ou il n'y a pas des tuiles de couleur quand tu marches. Okay. Ouais, ils ont peut-être enlevé, il y avait un comptoir caisse avec deux iMac. Là. Ils ont probablement enlevé ça. Ben, ils l'enlèvent tout le temps. T'as-tu déjà enlevé? En haut, là? Non, il est encore là. Je ne suis pas allé en haut. Là? Ben, il doit être encore là. D'où ce qu'il allait faire de l'ordinateur pour les enfants? Oui, mais il y a les deux ordinateurs pour les enfants, puis il y a un comptoir, c'est vraiment une caisse. Là. Ouais, c'est en plein milieu. Ils ont enlevé ça. Il n'y a plus ça dans l'Apple Store maintenant, une caisse. Il n'y a plus de point de vente fixe. OK. Maintenant, ils ont toutes les transactions à même leur Easy Pay. Oui, leur truc. Il faudrait voir, en fait, si quelqu'un est allé dans les derniers jours et est monté en haut. Prenez-nous une photo du deuxième étage, là, voilà. Puis envoyez-nous ça sur Twitter, là, à MacQuébec ou bien hashtag PodMQ. Voilà. Sinon, gardez bien ça. Ouais, passe en une, je vais dire quelque chose d'autre après. On va faire... on va en passer deux. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast MacQuébec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuébec ou sur la boîte vocale au 1-877-56. Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPom, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. Et oui, nous sommes revenus en onde après ces courtes publicités. J'ai coupé les adresses du podcast assez raides, mais c'est pas grave. Ils les savent. Oui. Et sinon, on va rentrer dans ce segment. Avant? Oui. Je voudrais dire à tous ceux qui ont un téléphone Android. Oui, une belle application qui est sortie ce matin, ça s'appelle iMessage, qui est totalement la même version que la version de Apple, mais qui est faite par un développeur indépendant que leur serveur est en Chine ou en Corée. Non, en Chine. Je ne sais pas trop où, quelque part. Là. Mm-hmm. N'installez pas ça parce que ça demande votre Apple ID et votre mot de passe. Ce n'est pas géré par Apple. Fait que si, mettons... Ben, attends... Tu pourrais aller te créer un Apple faux ID que tu utilises. Tu mets pas ta carte de crédit, tu mets zéro, tu mets rien dedans. Là. Mais ceux qui ne le savent pas, ils pensent que hey, wow, un message j'ai rendu sur Android ou whatever, qui ne suivent pas l'actualité, installez pas ça. Là, vous allez... Encore, tu as des conversations privées là-dessus avec message. Oui, c'est ça. Ça passe par son Mac Mini dans son sol, là, au gars. Je ne sais pas, c'est quoi qui se passe avec fait que, ça a été comme... qu'est-ce qui avait sorti, donc, jailbreaké, donc? Puis ça avait passé par les serveurs d'un Chinois, je ne sais pas trop, là. Je me rappelle plus. C'était quoi, donc? Ça fait 2-3 ans de ça. Je me rappelle plus. Il y avait eu Siri. Oui, c'est ça, exactement. Exactement, c'était Siri. Tu sais, ça passait direct par l'ordinateur du gars, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, t'avais des recherches, t'avais des contacts que le gars, Siri, amenait ces affaires-là. Fait qu'il devait les voir, je sais pas. Mais n'installez pas ça, là. C'est vraiment pourri comme... on fait des tests, là. Mais bon. Je serais curieux de voir combien l'ont installé. Les 12 personnes qui sont encore en ligne, si vous voulez, vous pouvez aller sur vos médias sociaux pour dire aux gens de venir nous rejoindre. Agent of S.H.I.E.L.D. vient probablement de Oui, il est 9h05. Il est 9h05, donc vous pouvez leur dire de venir nous rejoindre. Et vous pouvez aussi nous dire votre appréciation du show dans le chat sur YouTube. On est là, ou sinon avec le hashtag PodMQ. Sur Twitter. On va passer au segment Les amateurs de Mac, bonsoir du podcast. On a quelques questions qu'on va. Puis on vous rappelle en fait que si vous posez des questions dans le chat, on va. Bon, là, on avait des questions préposées. Uh-huh. Il y en a une qui a été posée au début de l'émission dans les commentaires YouTube. On va répondre à ça. Et est-ce qu'on a des codes promo? Je vais mettre le roller de hobby quand on va... Tiens. bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes maintenant aux amateurs de Mac. Bonsoir. J'espère que la transition ne s'est pas trop mal faite, que vous n'êtes pas fait mal pendant celle-ci. Exactement. On répétera pas, vous êtes toujours avec Jean-Michel, ouais, ouais. Jean-François et Alexis. Ouais, ouais. Donc, on économise du temps de ce côté-là. On va peut-être même finir plus de bonheur ce soir. Qui sait? À partir comme ça, je viens de recevoir un email de Fido puis je viens d'apprendre qu'on m'a crédité ma trousse pour iPhone à 11$ pour le mois prochain. J'ai aucune idée pourquoi. Merci beaucoup. Ouais, merci. Après moi, ils se sont trompés de compte aussi. Puis on crédite c'est bizarre mauvaise. Que j'aie reçu ça là, comme ça. Là. Donc, je vois dans les questions, la première, en fait, vient de S. Boulian qui nous a demandé, en fait, au début du show, mm-hmm. dans les commentaires sur YouTube. Salut, si vous avez le temps pour des questions, j'aimerais savoir si j'installe quelque chose comme un parallèle desktop avec Windows. Time Machine va-t-il sauvegarder mes données du côté Windows? Oui. Il devrait parce que c'est un fichier, la partition, la partition qui va créer. C'est un fichier qui est sur le disque dur Macintosh. Puis si le dossier Parallels n'est pas exclu de Time Machine, ben ça va. Oui, parce que je pense que le dossier. Moi, je sais. Moi, je l'ai exclu dedans manuellement parce que ça fait genre 20 gigs. Puis je n'ai pas besoin de ça. Et que. Et que. Vu que c'est un seul fichier uh-huh. et qu'il n'est pas capable d'aller chercher granulairement ce qu'il y a à l'intérieur, ben à chaque fois que à chaque fois que tu ouvres ton truc et que la partition a changé de grosseur. Ça passe de 20.1 à 20.2 gigs. Il va la sauvegarder. Il va la sauvegarder. 20.2 gigs à nouveau. Il va repasser le 20.2 dans le truc. Le Donc, c'est une bonne idée si, par exemple, c'est sur un iMac et qu'il est connecté réseau. Uh-huh. Si vous faites votre backup en sans fil, c'est peut-être pas la meilleure non, idée au monde. Ça va être extrêmement long. Là. À moins que l'utilisation que vous faites de Windows, c'est vraiment comme une ou deux fois par mois. Mais quand même, si c'est connecté réseau, ça prend de la place sur le disque dur parce que ça va garder les 30 derniers 20 gigs qui sont modifiés là, de 100 MB, peut-être, comme tu vas voir, le 20.1, 20.2, 20.3 pour les 30 derniers jours, plus un par mois, plus... Un à tous les quarts, puis un à tous les 6 mois, puis un à tous les mois, à De toute façon, à chaque fois qu'on rouvre Parallels, la partition est modifiée, le fichier de partition est modifié parce que là, ça donne accès. Comme, mettons, si on règle pour avoir 100 gigs sur la disque dur Windows, le fichier va être grossi à 100 gigs. Puis là, si Time Machine, ça donne à faire une vérification pendant ce temps-là, bien là, ça va faire un backup du fichier de 100 gigs. Parce que le fichier va être à 100 gigs au moment où le Time Machine va faire la vérification. Effectivement. Donc, c'est possible. C'est juste pas l'idéal. Mm-hmm. À moins que vous y alliez avec quelque chose comme un Windows XP. Oui, parce que moi, c'est ça qui est beaucoup plus léger. Oui, parce que moi, j'ai juste celui-là d'installer. Puis c'est une partition parallèle qui fait 2.84. Bon, gig. Ça se passe bien dans le parce backup. Que j'aime beaucoup Windows 7, mais... J'aime encore plus Windows XP. Mm-hmm. Ouais, surtout pour Parallels. Parallèles, là, oublie ça. Là, j'en m'en suis servi pour mettre à jour le clavier que mon chum s'est acheté, puis ça marchait pas sur Windows 7. Fait qu'il fallu que j'installe Windows XP. Ben, C'est pas super. Regarde, moi, là, j'ai sur VMware Fusion. Ouais. J'ai 8.8 gigs pour mon Windows XP. OK. Puis 10.4 pour Windows 7. Ah, c'est pas pire. Ouais, c'est pas si pire. Ouais. Mais, tu sais... En tout cas, dès que tu commences à installer un peu de logiciels... Ouais, c'est ça. Tu j'ai peut-être moins que de Gugus là, d'installer sur Windows 7. Là, j'ai peut-être juste une affaire. Donc, prochaine question, messieurs. Question par Yvan Lefrançois sur Mac Québec Entraide. Je recherche une application permettant les récupérations de notes et contacts effacés par erreur de mon iPhone sous iOS 7. En as-tu cherché, en as-tu trouvé? Ben, iCloud est là pour ça, non? Est-ce qu'il a essayé de... Ben, si tu l'effaces de ton téléphone, il l'efface de automatiquement. iCloud. Automatiquement. OK. En fait, ça prend une couple de secondes. Là, parce que ça m'avait arrivé, je n'avais déjà parlé d'un premier podcast quand j'étais arrivé. Ben, ça m'avait arrivé que j'avais effacé mes contacts et j'avais été les rechercher par mon ma time capsule, mais ça a été extrêmement long et il a fallu que je bypasse des affaires pour que je les rajoute dans mon fichier contact. Ça, je me rappelle même plus comment je l'avais fait, là, mais ça a fonctionné. Mais sinon... Sinon, en faisant des recherches en fait sur Google pour récupération de données ou data recovery en iPhone, il y a des logiciels de forensic qu'on va vous vendre à une trentaine de dollars. On les a pas testés, mais on peut pas garantir. Le logiciel là, iPhone Explorer, quelque chose de même. Ouais, iPhone Explorer. Ouais. Ça, mais sauf qu'il va pas rechercher les fichiers. Okay. Il te permet d'aller les chercher s'ils sont là pour en faire un backup, okay. Mais il te permet pas d'aller les chercher. Ah. Parce qu'il faut dire aussi qu'un iPhone, c'est une puce flash. Oui. Ouais. Fait que dès que ça efface ça est en rare, là, s'il y a besoin de... Il libère l'espace. Il va libérer l'espace. Là, fait qu'un disque dur ordinaire... Ça va être encore là jusqu'à temps. C'est ça, jusqu'à temps qu'il réécrit par-dessus, mais un SSD, puis un... Oublie ça. Là. Ouais. Voilà. Donc, en fait, peut-être faire une recherche pour Google Recovery. Pas Google Recovery, mais... iPhone Data Recovery sur Google. Vous allez trouver des outils. Comme je vous dis, ce que j'ai vu, moi, ça me semblait pas des plus fiables. Si encore son ordinateur a un ancien backup de son iPhone, ça garde-tu les contacts puis les notes en mémoire là-dedans? Non, en fait, ça garde comme le beacon avec iCloud. C'est ça, parce que si tu remets un backup que déjà les contacts dans ton iCloud, quand tu vas remettre ton backup, il va s'effacer automatiquement. Ouais. Ah, okay. Parce qu'iCloud, il sait que là, j'ai supposé d'avoir rien. Okay. Fait que là, le seul peut-être moyen, c'est de désactiver le... Non, même pas, ça marche pas. Pas dans le backup, il va être encore activé. Il va être encore activé, ouais. Ça marche pas. Fait que... On a oublié dans les nouvelles tout à l'heure, la police de New York pousse les gens à mettre à jour à iOS 7. Parce qu'il y a une possibilité de désactiver le téléphone et d'empêcher... De faire désactiver l'IMEI chez les fournisseurs, on peut complètement désactiver les fonctionnalités du iPhone. Oui, puis d'empêcher de restaurer le téléphone. Ouais. Par contre, il y a une petite... il y a comme une parade à ça, et c'est avec le Control Center, c'est-à-dire que dès que vous mettez la main sur un iPhone... Le Control Center, on peut le laisser ouvert sur le lock screen, ce qui permet de l'ouvrir puis de le sacrer en mode avion tout de suite. Donc, à ce moment-là, on perd toute connexion et il ne peut plus recevoir son instruction d'être bloqué. C'est vrai. Donc, sauf que la personne ne peut pas restaurer non plus le téléphone. Pourquoi? Parce que si la fonction Find My Phone est activée par défaut, et si, mettons, tu le mets en mode avion, lui, il sait quand même que quand tu vas le brancher sur iPhone, il est activé. Ah! Ouais. Fait que tu ne peux pas restaurer. Ça, c'est la nouvelle fonction aussi. Okay. C'est super, là. Oublie ça. Sur n'importe quel ordinateur. Je ne sais pas si tu le pars. Faudrait que je l'essaye, là. Mettons, tu fermes ton ordinateur, tu laisses ton doigt sur le bouton Home, tu branches le USB dedans. Tu le mets en DFU? Là. En DFU, je ne sais pas s'il va le faire. Je pourrais le faire là, même, là. Faut voir, là. Mais je vais le faire, là. Puis je ne sais pas s'il va le faire. Mais... En DFU? Ouais. T'sais, parce que si, mettons... En DFU, le système n'est pas loadé dans le téléphone. Oui, mais attends, que t'as pas... Sur les serveurs d'activation d'Apple... Tu sais, il y a des partitions là-dessus, là. Fait qu'il y a peut-être ce blocage-là, ça se fait sur les serveurs d'activation d'Apple aussi. Ça va parce que maintenant, quand on active l'iPhone, ça demande l'Apple ID avant. Oui. Ce qui ne se faisait pas avant. Même quand on installe sur iTunes, ça demande l'Apple ID. De quoi, ça? Est-ce que j'ai pas compris? Avant de commencer le restore d'un téléphone iOS 7, ça demande l'Apple ID. Il va vérifier avec les serveurs Apple. Ah, OK. Bon, on va faire un petit test, vite, vite. Bon, j'ai encore 19 mises à jour à faire de mes applications. Bon, on tient le bouton Home. C'est dommage, on ne peut pas voir la liste des gens qui sont en ligne. On branche ça. Fait que là, on va retenir ça jusqu'à temps qu'il apparaisse. On va tester faire, puis pendant ce temps-là, on va répondre à l'autre question. Donc, c'est une question de Louis Perron sur Mac Québec Entraide qui me demande « Pouvez-vous expliquer les faiblesses de OS X Mountain Lion et en quoi OS X Mavericks apporte des solutions? » Il bypass. Ah oui? Oui. Fait qu'il n'y a rien dans la partition de... Parce que je pense qu'il y a trop de partitions dans un iPhone. Quand fais restore un update. T'es-tu fou, toi? Ça ne me tente pas de restaurer mon téléphone. Je vais te demander ton Apple ID. Come on, pour les bienfaits de la science. Tu le feras chez vous. Extracting. Il me l'a jamais demandé, je l'ai fait hier, avant-hier. Hmm. puis ton Find My Phone est activé. Oui, ouais, mais il fallait que tu le mettes en mode, il fallait que tu y dises que tu voulais le bloquer. Il fallait que tu ailles sur iCloud, puis tu dises, clouc, bloque le téléphone. Ouais, mais par défaut, il est par là. Il est dans le. Ah oui? Dans la fonction iCloud, là. Ouais. Okay. J'espère qu'il va repartir, ça ne me tente pas de. Ben, des faiblesses au niveau de Mountain Lion, il n'y en a pas réellement. Moi, c'est un système que je trouvais très, très fiable. Qu'est-ce que Mavericks apporte? Ben, il y a des faiblesses pour ceux qui utilisent 2-3 écrans. Il y a une faiblesse à ce niveau-là, mais pour quelqu'un qui utilise son MacBook Pro juste avec l'écran comme ça, il n'y a pas de faiblesse. Effectivement. Ça, c'est d'un côté. Donc, c'est quelque chose qui est corrigé par... Le multiscreen est vraiment intéressant. Vraiment le fun. Ouais, et, j'ai hâte de l'essayer. Je l'ai essayé sur un écran Apple il y a quelques jours de ça. Puis, tu trouves vraiment une utilité. Tu trouves vraiment une utilité à le Mission Control. Mm-hmm. En fait, où est-ce que sur chacun des écrans, tu peux setter des desktops avec tes applications. Puis tout ça. Ah ouais. La seule affaire qui me bug encore, puis bon, c'est normal, là, c'est à cause de la taille des écrans, mais c'est que quand tu as un écran 27 pouces, puis que tu le places pour basculer d'un côté à l'autre, ben faut toujours que tu lèves un peu ouais. ton écran de portable, soit que tu le settes vers le bas, soit que tu le settes vers le haut là, mm-hmm. en le plaçant. Ouais. Mais ça, tu vois, j'avais une petite problématique avec ça. Mais avec le tapis en plus, là, c'est vraiment chouette. Tu passes d'une application plein écran à l'autre. C'est vraiment très bien fait. Ouais. Puis moi, j'ai des clients qui ont même deux écrans 27 pouces. Fait qu'ils vont s'amuser avec ça parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'ils ouvraient une application en plein écran, ils perdaient, ouais. les deux trucs. Il y a peut-être un petit bug aussi, puis ça c'est normal, il est encore en bêta, là, mais il y a peut-être un petit bug au niveau de l'affichage du dock quand tu passes de l'un à l'autre. Là, Il y a de la misère à, okay. à réapparaître. Parce que moi je le pogne sur mon Apple TV. La TV, oui. Ouais. Puis il y a de la misère. Sur l'autre écran, quand tu t'en vas en bas pour faire apparaître le dock, il y a vraiment de la misère. Il faut vraiment que tu t'essayes 3-4 fois avant ouais. qu'il apparaisse. Puis pour revenir, moi, des fois, je ferme la connexion puis il revient. Là. Mais sinon, il y a beaucoup de la misère. Fait que... Sinon, une des fonctionnalités que j'utilise ou en fait que je me force à utiliser, c'est les onglets dans le Finder. C'est intéressant, mais c'est quand même limité, puis c'est pas tous les jours que tu as besoin de transférer non, du stock. C'est ça. La démonstration qu'ils ont fait au moment où est-ce qu'ils l'ont annoncé, c'est avec AirDrop, et ça, c'est intéressant. Encore faut-il que AirDrop fonctionne, puis que les gens sachent comment ça fonctionne. Oui, parce que c'est, je pense que c'est fin 2011 et plus récent que AirDrop fonctionne sur les Mac. Exactement. Fait que... Donc, c'est un peu les petites choses. C'est un système que moi, j'utilise depuis jour 1. Je ne sais pas pour toi si tu l'avais installé, désinstallé ouais, ou quoi ça. Que ce soit, Mavericks. Non, jour 1, quand on était au restaurant. Au restaurant, c'est ça. On a eu des petits problèmes au début. Ouais. Mail, il y avait des ouais. troubles, entre autres. D'ailleurs, moi, récemment, dans Mail, j'ai eu... Il est plus lent. En hang-up. Il, ah ouais? Oui, il raccrochait. Je ne sais pas si c'est à cause... Quand il démarre, il y a une mise à jour d'antidote qui est nécessaire. Elle n'est pas encore sortie, ouais. évidemment. Y a-tu moyen de la désactiver, ça? Oui, je pense que tu vas dans ben, un des vois, dossiers. La mise à jour antidote, je l'ai moi aussi, puis je suis encore sur 10.8. Là, c'est plus, c'est pas, probablement. Non, c'est à cause de Maverick. Elle est sortie, la mise à jour, pour 10.8. Ah ouais, OK. Ouais. Ouais. Je sais pas, je l'ai pas fait. C'est la version 8.3, je pense. Mais, non, mais tout ce que toi, t'as HD, ouais, là. J'ai antidote HD encore, c'est peut-être Ah, faut que t'achètes 8. Mais il fonctionnait avant. Ah oui? Puis là, il n'y a pas de mise à jour à faire sur HD? Je sais pas. Pour ça, les fois, t'as c'est Hyde. Je pense qu'on a dit la version 7, eux autres. Hmm. Ah, ben ouais. As-tu vu 6.1? Et voilà, ben c'est exactement le meilleur compétiteur à main. Installé. Fait que, qu'est-ce qu'on disait donc? Oui, c'est ça. Y a-t-il un moyen de le désactiver, l'antidote dans Mail? Oui, je vais regarder, mais il y a probablement un dossier dans lequel tu vas, où est-ce que le raccourci. Tu vas l'enlever. Tu vas l'enlever de là, puis okay. Il démarre pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'option dans les préférences pour enlever les modules? Dans Antidote, on peut désactiver des modules? Dans Antidote même, on peut désactiver des modules, je pense. Non, c'est on peut installer des modules, mais on peut pas désinstaller. Je pense que c'est le logiciel carré. On va aller voir. Là, c'est pas, je suis en train d'installer une mise ouais. à jour, là, mais on peut aller voir. Intégration, oui, tu as raison, je pense. Hein? Fenêtre, aide, installation dans vos logiciels. Non. Tu peux pas désinstaller, tu peux juste installer. Ouais. J'imagine que ça doit être dans... OK. Bibliothèque. Oups, c'est pas là que je voulais aller. Bibliothèque. J'imagine que ça doit être dans Application Support. Antidote ou Mail. Mail. Online Account Type. Non, c'est pas là. Harrisbook, blablabla. Antidote, c'est pas là. Assistant to save. Ça aussi, dans Maverick, c'est le fun. On peut faire réapparaître la librairie dans le user. Pour ceux qui savent c'est quoi le dossier librairie, là. Mais on ne pouvait plus avant dans Mountain Lion. Comment on peut faire? Ben, mettons, tu rentres dans ton dossier à toi, là, dans ta petite maison, tu fais pomme J, puis là, tu vas avoir les options du dossier, puis ça va être marqué Show Library Folder. Ah, merci. Avant, n'était pas disponible. Il fallait passer par terminal pour... afficher le dossier bibliothèque. Ben oui, c'est cute, ça. Fait que maintenant, t'as la bibliothèque... C'est très chouette. Oui, parce qu'avant, il fallait passer par terminal, faire... Pour l'activer tout le temps. Ouais. Ou si t'allais dans le menu « Aller » et que tu tenais la touche « Alt » enfoncée, bibliothèque apparaissait. On va regarder pour ce problème-là, puis on reviendra avec ça. Sinon, est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a la question de... Attends, tu vois que j'ai la réponse ici. Donc, on parlait pour désinstaller des intégrations logicielles d'Antidote. OK. On va simplement pour installer les intégrations dans l'application installée dans les logiciels. OK, quand Antidote est ouvert. Et puis là, dans le coin en bas, il y a intégration installée. Et puis, on peut aller désinstaller les intégrations là, en les cochant puis en cliquant désinstaller. Ouais, mais Mail n'est pas là. Il n'y a pas Mail, c'est ça. Ah, OK. Il est par défaut. Oui, probablement. Sinon, uninstall Mail from... uninstall Mail... Utiliser Outlook ou bien... Non, faites pas ça. Faites pas ça. Il y a quelqu'un dernièrement qui nous posait des questions comme ça, puis... En fait, c'est une des questions que Apple se fait le plus poser dans sa section commerciale. Mm. Les gens du commercial, quand tu vas les voir, puis tu leur dis « je fais des services à Apple », ils font « sais-tu intégrer un Mac à un serveur Exchange ?» Puis là, ben, tu fais pas ça. Puis ils font comme une mauvaise réponse. Mais c'est vraiment chiant à faire l'intégration parce que c'est pas toutes les options qui fonctionne. C'est comme si les gars de la Mactopia avaient dit « Moi, ça, c'est pas nécessaire. » Puis t'es comme « Ben, c'est pour ça que le monde utilise Outlook. » Tu sais, comme... Fait que, tu sais, par exemple, le receipt pour avoir lu un truc, ça semble pas être là. Ça fonctionne pas? Non. Puis le partage de calendrier, il y a des trucs qui fonctionnent pas nécessairement. Le partage de base est là, mais il y a des trucs plus avancés qui se font du côté de Outlook, qui se font pas du côté de... Peut-être dans la prochaine version 2014. Ouais, elle devrait sortir bientôt, mais ça, elle va sortir l'année prochaine. Ouais. Elle est due, là. Mi-2013. À moins qu'ils vont nous shipper une version Office 365. Ben, c'est probablement ça qu'ils vont... C'est vraiment ça. Ça existera plus, là, version... C'est ça pour Windows. Fait que ça va être... C'est ça. On va mettre ça pour Mac. Sinon, si vous avez un compte iCloud et un PC, je vous suggère fortement de commencer à utiliser Page Numbers et Keynote qui sont disponibles maintenant sur votre compte iCloud. Pour certains, à date. Uh-huh. Ah oui, c'est pas tout le monde. Ouais, c'est pas réglé encore. C'est pas fini parce que... Money, il y avait eu, quand ils avaient envoyé pour tout le monde, fait que tout le monde s'est branché dessus, fait que ça a fait planter le serveur de iCloud pour cette portion-là. Et ils ont désactivé genre la moitié de personnes. Donc, la première moitié, ils les gardent. Et la deuxième, vous allez attendre vraiment que ça soit fini, final, la version bêta. Je ne sais pas ce qu'ils font de plus là-dedans. C'est comme n'importe quoi. C'est comme, mais bon. Dernière question pour cette portion aujourd'hui. Oui. Est-ce possible de brancher un iMac 2012 sur une télé standard avec seulement des prises RCA en avant? Je comprends pas la question. Est-ce que ça existe un adapteur compatible Mac qui passe de mini DisplayPort à RCA, là, donc une prise jaune, une prise vidéo jaune? Là. Pour utiliser, ben en fait, du mini DisplayPort, c'est malheureusement pas analogue. Ouais, ça, c'est digital. Si vous faites une recherche sur Amazon ou sur eBay, là, c'est plein d'adapteurs Made in China qui prétendent faire ça, mais c'est des adapteurs qui nécessitent un driver qui va faire la conversion, là, finalement, pour envoyer en USB et en mini-display, une combinaison de USB et mini-display port. Ouais. Et puis, c'est pas compatible Mac, puis c'est à peine compatible Windows, là, selon les commentaires. Là, que... Ça fonctionne pas très bien. Mm-hmm. Bon, donc... Faudrait c'est sûr que là, une TV qui a des entrées RCA, ça doit pas être très, très récent, là, surtout si c'est la seule entrée, mais... Passer par VGA là, sur une les écrans plats, pas mal tout ça, là, une entrée VGA. Ça fonctionnerait. Mais justement, mini DisplayPort à VGA, il y a ça. Oui, j'en ai un. Puis après ça, tu peux avoir un adaptateur VGA à RCA, tu penses? Oui. Apple en faisait un même. OK. Habituellement, par mon expérience, quand on plug deux adaptateurs sur un Mac, ça marche pas. Donc, il faut faire des tests. Sinon, il y a peut-être des compagnies obscures qui auraient des appareils qui le font, mais ça va vous coûter extrêmement cher pour pas vraiment grand-chose. Oui, quand tu es rendu à investir pour une Gugus à 200$ pour avoir ton image d'IMAX sur ta vieille TV de 1994. Qui ne serait pas très belle. Elle va pas être belle, mais carré, ouais. Puis... Oui, elle va être en 4:3, là. Uh-huh. Mais ça va être stretch, puis ça sera pas... Non, ça sera pas c'est beau, ça. Là. Effectivement. On le recommande pas, en fait. Non. C'est ça qu'on va faire. On va ne pas le recommander. Sinon, en fait, vous pouvez probablement vous trouver des écrans d'ordinateur qui sont peut-être à peu près de la même grandeur. Je voyais, en fait, des 27 pouces. Des 27 pouces, c'est 300$. Chez Dell, là, j'ai acheté deux écrans 23 pouces, là, plus de base. Mais quand même, c'est la série Ultra Sharp. Ouais. Je les ai payés 175 chaque, taxes incluses. C'est 23 pouces. Ouais. C'est quand même. Il y en a des plus gros. Ça, c'est la dalle de Samsung, celle-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y en a plusieurs catégories. T'as jamais regardé c'est quoi la dalle? Okay. Ouais. Sinon, avant de passer aux découvertes et applications, on aimerait annoncer le 12 octobre prochain, et vous l'avez entendu au début du podcast, on a passé une petite publicité, mais il va y avoir en fait, c'est Benoît Mercier des Mystérieux Étonnants qui organise pour la deuxième année consécutive le podcast All-Star, où certains des plus en vue podcasts au Québec ont été invités. Mm-hmm. Et on peut le dire, on a été invités parce que, tu sais, on est hot. Puis, quoi? Okay. En vrai, on est troisième podcast francophone audio en Amérique du Nord, diffusé les mardis soirs. On va être là. C'est un podcast à propos du podcast. Le but est de faire découvrir le médium. Et puis, toute l'équipe va être là. Il y a même Bernard, si je me trompe pas, qui va venir. Parce que les balados de diffusion sont en train de remonter. Ça recommence à devenir plus populaire. J'ai checké sur iTunes, il y en a des nouveaux. Il y en a tout le temps des nouveaux maintenant. Mm-hmm. Ça commence à remonter Aux États-Unis, c'est une industrie. T'sais, moi, quand on me disait Léo Laporte fait de l'argent avec son podcast. Il fait que ça, là. Il fait que ça, mais moi, on me disait il fait de l'argent. Là, j'étais comme... OK, il fait 7,5 millions par année, le dude, avec des podcasts. Mm-hmm. Bon, ils ont la masse et tout ça. Mais au Québec, là, c'est... Tu sais, faut se réveiller, là. Mm-hmm. En plus, l'argent de commandite, c'est pitché dans des émissions de télé qui sont très, très généralistes. Tu veux toucher le plus de monde possible, mais ton marché cible, il est beaucoup plus petit là-dedans, alors que le podcast, c'est spécialisé. Un truc comme Objectif numérique qu'on a présenté en début de podcast, un truc comme CacaoCast ou comme mon studio au Canada ou plein d'autres podcasts comme ça, ben ça va chercher en fait une vraiment les gens qui trippent là-dessus. Mm-hmm. Donc pour les annonceurs, ça devrait être un endroit où regarder et où investir. Ouais. Notre podcast à nous autres du 10 septembre. 5500 personnes l'ont regardé sur YouTube. Je veux dire, il y a des émissions de télé là qui touche pas autant que ça de personnes. Là. Je peux pas croire que la semaine verte... Non, c'est maintenant, pas vrai. Maintenant, YouTube compte les vues en vue unique, là, comme c'est présenté. Si je le regarde avec mon compte YouTube activé, que je regarde une fois ou 100 fois, ça va compter juste pour une fois, là, parce qu'il va détecter mon compte. Fait que si, mettons, tu le regardes pas de compte... Plusieurs fois, il calcule-tu? Ouais, il va le calculer après un certain délai là, avec l'adresse IP. Oui, c'est ça, mon allié. Il doit bien chercher avec l'adresse IP. Ah, mais tu sais, qui n'a pas son compte Google? Là? C'est clair. Mais plus de personnes qui ont leur compte Google connecté en permanence. Ben oui. Tu vois, fait le podcast que vous avez fait le soir a été vu autour de 200-300 fois, 5500 plus le 1000 qu'on a fait, ça commence à faire... On vous a battu. On s'entend, là, en version audio. Téléchargeable audio sur notre chaîne iTunes, on vous a battu. Faut dire que la diffusion pendant la journée, il y a beaucoup de monde qui l'ont gardé en live. Fait qu'ils l'ont moins téléchargé, ont moins cliqué. Ça a quand même duré, autres, le soir, ça a quand même duré un bon 3h30. Là, exactement. Fait qu'il faut avoir le temps à investir. Puis je l'ai pas diffusé en même temps. T'sais, j'ai mis la vôtre avant. Puis je pense l'autre d'après, je l'ai mis peut-être Deux journées. C'était la fin de semaine, okay, je l'ai mis. Et vous avez eu un spot à Paul Arcand le vendredi matin aux Folies du vendredi. Ouais. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Ça. Fait que c'est ça. On a parlé aussi tantôt, moi et Alexis, au prochain événement d'Apple, c'est ça qu'on va faire. Je vais en parler avec Bernard. Là. Uh-huh. Mais vous allez en faire un, mettons, comme vous faisiez ici. Mettons 15 octobre, annonce du iPad. 15 octobre, iPad, vous avez fait ça ici. Moi, je suis pas là. Uh-huh. Le soir, chez nous. Avec Bernard. Oui. Tu vas revenir avec ce qui a été annoncé de plus pendant la journée, les feelings, les retombées, le aftermath. Ouais. Ça va être ça. Fait que, excellent. Je peux plus prendre de congé. Si vous voulez. L'année prochaine. L'année prochaine, janvier. Voilà. Sinon, on passe aux découvertes et applications, ce petit segment où on vous parle des gadgets qu'on a trouvés intéressants pendant la semaine. Le premier, c'est qui voulait annoncer ça? Moi, je veux pas parler de ça. De BBM? Ouais. Ben, tu sais, de toute façon, il y a tellement eu d'engouement pour BlackBerry, pour RIM, qu'avec leur application qui va... probablement sortir, même si la compagnie va être démantelée incessamment. Bien, en fait... Parce qu'ils vont... C'est clair, là, c'est ça qu'ils vont faire. Le Fairfax, c'est pas des caves. Là. Ils veulent revoir leur investissement qu'ils ont perdu. Là. C'est quand... Non, mais c'est vrai. Là. Ouais, ouais. C'est vrai, là, c'est 10% de l'action... ils ont 10% d'action dans RIM. Ouais. Fait qu'ils veulent revoir... Tu sais, même à 4,97 milliards là, qu'ils vont probablement payer, c'est cher, hein, Kéré? C'est cher pour ce que la compagnie vaut parce que, hey, elle valait, je regardais à RDI Économie, c'est hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Là. Ça valait 85 milliards. En 85, cas, oui, en 2008. Avant que la Playbook arrive. Là. Ouais. Fait que c'est ça, c'est quand même beaucoup d'argent puis c'est quand même assez haut. Fait que là, s'ils vont vendre ça à 5 milliards, Fairfax va dire, OK, on la démantèle, puis on va vendre tout, là, on veut tout vendre. Là, fait que là, ça va être encore la guerre des enchères. Moi, ça me fait rire parce que plusieurs, en fait, disaient sur Twitter, on l'a vu, pour moi, BlackBerry s'est planté quand ils ont sorti la Playbook. De un, beaucoup de critiques quand BlackBerry a annoncé la Playbook, puis qu'on disait, hey, arrêtez, là, s'ils vont se planter, il n'y a même pas... l'application de mail. Il n'y avait même pas de courriel. C'est vrai, non? Ouais. Sur ça. Ça prenait le BlackBerry. Ça prenait le BlackBerry avec. C'était un accessoire, un BlackBerry. Effectivement, qui valait plus cher que ton téléphone. Hein. Écoute, BlackBerry, la première année, ils se sont pognés le cul. Ils ont dit non, l'iPhone, ça ne pognera pas. Puis la deuxième année, ils ont sorti le Storm. Je suis désolé, là, mais c'est là que ça a commencé à mal aller. Ouais. Puis un maréchal ferrant qui n'est pas capable de voir que le pneu puis la voiture va pogner, là, ben. Dans 10 ans, c'est fermé. Là, ah ouais, le c'est monde sûr. N'utilisera plus de chevaux. Mais c'est ça. Fait que là, l'application BBM est sortie cette semaine un leak. Non, elle n'est pas sortie. Elle est sortie sur Android. Il y a eu un leak de l'application. Okay. Fait que BlackBerry ont retiré l'application du Google Play Store, que m'a dit franchement. S'il y a tellement de la merde là-dessus, excusez-moi. Là. Mais c'est vrai. Il n'y a pas de suivi. Là, pour venir encore avec l'application de iMessage qui est sortie un matin, là. Ouais. Hey, Google laisse passer mais n'importe quoi. Là. Il vérifie rien. Il vérifie absolument rien. Je ne comprends pas que l'application soit encore disponible sur le Play Store et qu'Apple n'ait pas appelé chose de Google. Tu dis, tu m'enlèves ça au PC. Ouais. Tu sais, Mac PC. Ah, c'est probablement fait. Mais c'est encore là. Ça est encore disponible, la maudite application. Fait que, même si elle n'est pas officiellement, en fait, j'ai ça se peut-tu que le Google Play Store, ce soit juste un agrégateur, puis que ça va juste dire, tu sais, c'est comme des petits magasins, puis là, ils avertissent le Google Play Store. Ben moi, j'ai des applications, fait que publie-les. Les applications sont hébergées où? Est-ce qu'elles sont hébergées sur les serveurs du Google Play Store? Bien, ça m'étonne. Je pense pas. Ouais, c'est pense ça. Monsieur Chose, en Chine, dit, bon, j'ai mon application iMessage, version serveur chinois, est là. Mets-les en vente sur l'Apple Store, sur le Google Play Store, parce que je suis développeur Android, à tel prix, puis là, ça va aller télécharger sur mon serveur. C'est probablement ça. Probablement. Faut voir, mais... C'est sûr. En tout cas, c'est sûr qu'elle va être enlevée rapidement, là, cette application-là. Ah ouais. Puis tu sais, le gars peut se faire actionner par Apple. Ben, c'est ce qui va arriver. Oui. Le gars va se faire ramasser. Là. C'est comme une technologie fermée, c'est privé. Ben oui, c'est privé. Message, ouais. Ils vont dire, ah ben là, vous n'êtes pas assez sécuritaire. Tu sais, ça a fait la même affaire avec Siri. Là, En tout cas, whatever. On va voir ce qui va arriver. L'application Quick Office qui a été achetée par Google récemment. Ouais. Qui permet d'éditer des documents Microsoft Office directement sur un appareil iOS. Ça le fait quand même bien. Mais qui n'est pas capable d'éditer les documents Google Docs, par exemple. Ça les rouvre pas. Ça marque qu'il n'est pas compatible ou whatever, je ne sais pas. Ça t'offre de l'ouvrir dans Safari. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y aurait pu... Ou sinon, c'est ça, ils te demandent de l'ouvrir dans Google Drive. Ils viennent d'acheter l'application, puis ils n'ont pas voulu... Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont la retirer le temps de la... Ils vont l'intégrer. Ils vont intégrer ça à Google Drive, c'est sûr et certain qu'ils n'auront pas deux applications. Puis là, j'ai un doc, mais là, je ne peux pas l'ouvrir dans Google Drive. Il faut que je le rouvre dans Quick Office. Ça va pas bien aller, mais cette application-là, qui était quand même 5 $ si je me trompe pas avant. Oui, c'était 5 $ ouais. Elle est maintenant gratuite, donc on vous invite à regarder ça. C'est une application qui a quand même beaucoup de bagages, qui est là depuis un bon bout de temps, là, je dirais iOS 3 ou iOS 4. Donc, c'est assez intéressant, puis ça se connecte à beaucoup de services. Ça rend beaucoup de services. Puis, faut dire aussi que si, mettons, vous branchez avant le 26 septembre, vous avez 10 gigs de plus dans votre store, dans le Google Drive. Pour de vrai? Oui. Moi, je n'ai pas remarqué. On va le faire. Ouais, je vais aller vérifier si je l'ai eu. Oui. Fait que, tu vérifies vraiment ça? Non, j'ai juste 15 gigs encore. J'ai plus que ça. J'ai plus que ça. Ah. On va regarder ça. Excellente offre. Sinon, nos amis du Front Créatif Montréal nous parlaient d'une petite application sur leur site cette semaine qui a été mise à jour, évidemment, pour iOS 7. C'est Adja DataCalc qui permet de calculer l'espace disque nécessaire pour l'enregistrement vidéo. Donc, si tu as une caméra, une Alexa ou quelque chose comme ça, et que tu sais que tu as à enregistrer... pendant X nombre de temps ou quoi que ce soit, ben ça va te dire que tu as besoin de tant de disques pour enregistrer autant de data avec la qualité d'enregistrement que tu veux faire. Donc, ça te permet de bien estimer ton matériel. Donc, c'est assez intéressant. Puis, on vous invite à aller voir les gens du Front Créatif de Montréal au fcmtl.com. En fin de compte, j'ai acheté Reader 2. Oui. J'aurais pas dû acheter ça. Ah non? Ben, c'est la même audite affaire que le 1. À part qu'il est fait designer pour iOS 7. Là. OK. As-tu trouvé d'autres... Tu t'en sers-tu pareil comme le 1 ou... Ben, moi, je suis passé à... Feedly? Ben oui, Feedly. Ouais. Ben, moi, je parle... Mais moi, j'utilise maintenant ReadKit sur le desktop, portable. Parce qu'il n'est pas encore sorti pour... Puis Reader, ben écoute, moi, c'est une application que j'aimais bien. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu fais un partage, c'est une slide sur le côté plutôt qu'une espèce de bulle qui apparaît. Ouais. Fait que ça, c'est beaucoup plus rapide, selon moi, pour le faire. Il y a quelques services de plus qui ont été Sauf que ce que j'aime pas, c'est que c'est tous les autres services sont en haut, mais Facebook, Twitter... Faut que tu slides pour la faire monter, sinon ils n'apparaissent pas. C'est un peu poche là, parce qu'on sait que Twitter. Ben, fais-y le commentaire, peut-être qu'il va le. J'ai vu ça cette semaine quand je l'ai acheté. Je pense aussi que tu peux aller dans les settings et dire regarde, affiche-moi les pas, ça sert peut-être, à rien. Peut-être que tu peux avoir juste la liste. Y en a-tu des maudits ça n'a pas de bon sens. Là. C'est comme, Delicious Paper. Ben oui, c'est ça. Insta Paper aussi a été mis à jour. Pour iOS 7. Je vais aller voir ça. Sinon, d'autres découvertes que vous avez eues, des petits gadgets, des petits trucs que vous avez vus apparaître? Ben, j'ai installé un nombre record d'applications inutiles sur mon iPhone cette semaine, juste pour montrer la fonction Touch ID quand on fait des achats. OK. J'ai installé presque tout le palmarès d'applications gratuites, là, ce que j'avais pas déjà. Là, donc, j'ai téléchargé plein d'affaires, rien d'intéressant. Ah, bon, merveilleux. Non, mais les achats sont pas mal plus rapides, c'est par beaucoup exemple. Plus rapide, ouais. Mais je sais pas, au début, ça me demandait souvent de reconfirmer mon mot de passe. Ouais. Mais maintenant, ça me le demande plus. Là. Je sais pas c'est quoi qui causait ça. Il l'a enregistré ou quelque chose. Ouais, il... c'est ça. T'es sûr? By the way, en fait, le. Hey, c'est dangereux code, quand même. Ouais, le, à chaque fois que le téléphone est rebooté, ouais. Le code est demandé la pour première fois, une ouais. première fois. Pour confirmer. Après ça, tu peux utiliser tant que tu veux le Touch ID, mais ton code doit être rentré une première fois pour juste le checker une fois de temps en temps. Ah, t'sais. OK. Puis, en fait, les gens vont nous crier après si on ne mentionne pas, mais à peu près une journée et demie après que le iPhone 5S soit sorti, il y a un groupe de hackers spécialisé dans les hacks de détecteurs d'empreintes digitales qui ont dit qu'ils avaient réussi effectivement à bypasser le détecteur. Faut comprendre quelque chose, c'est pas pour rentrer dans Fort Knox, là, c'est pour protéger un téléphone et... Pis c'est pas tout le monde, c'est ça qui me font rire, moi. T'sais, ils mettent ça super gros, mais t'sais, c'est qui le commun du mortel entre moi et toi qui va aller penser qu'on y est à faire ça? Ben, il montre, j'ai vu une photo là, aujourd'hui. Le gars avec son affaire de plastique, là? Ouais, non, mais t'as le gros titre. Apple Touch ID, c'est pas sécuritaire, ça peut être craqué. Ben mais là, tu vois, il y a une photo du matériel nécessaire pour craquer ça, puis t'as une table pleine de produits pour faire une copie d'empreinte digitale. Ben ouais, mais c'est ça, je te dis. C'est pas quelque chose que quelqu'un va faire dans la rue en passant à côté de toi, là. Voyons donc. Hey, c'est vraiment. Ouvrir une voiture, là, c'est easy. Là. Quand t'as enfermé tes clés de char là, dans l'auto, le gars, il arrive. Il regarde ça, il sac une balloune dans ta fenêtre, il tasse un peu, il rentre un cintre, puis il va ouvrir ta porte. Hey, je me promène pas avec ce matériel-là sur moi, tu sais. Sinon, ça me prendrait comme lui, là, deux minutes et demie, ouvrir un automobile, puis. Oui, comparé, là, tu ferais ouvrir ta porte de taux, là, tu fais venir un chauffeur de taxi. Ça coûte 25 piastres. C'est ça. Exactement. Fait que, je veux dire, puis. Moi, je ne sais pas pour ta porte chez vous, mais moi, ma porte, c'est pas une porte de coffre de banque avec trois billes. Hey, c'est deux portes patio chez nous, moi. C'est ça. Fait que je veux dire, c'est pour protéger, mais c'est pour protéger de la même manière que tout le monde se protège. Ah oui. C'est-à-dire, puis ce qu'ils ont voulu faire, c'est probablement plus rendre, enlever. Parce qu'on le rentrait, on le rentre le code. Je sais pas si t'as un code sur ton téléphone. Ouais. Moi, j'en ai mis un parce que j'ai des données qui sont quand même. Ben, moi aussi, je veux pas, que n'importe qui puisse avoir accès à ça. Fait que tu le rentres souvent pendant la journée, ce code-là. Mais là, tu cliques, tu t'enlèves pas ton doigt. Puis écoute, ça prend là, c'est vraiment rapide. Ouais, mais ça doit être. C'est dangereux quand même. Je veux dire, quand t'achètes. Mettons. Quand t'achètes le App Store, là, faut que tu pèses avant sur Buy Now. Oui. OK. Faut que tu payes sur bail. Mettons, pognes en un. Là, quand un, tu dis... J'achète ça, ça va me demander de scanner mon doigt, puis l'achat est fait. OK, c'est ça. Mais il faut quand même que tu cliques buy now. OK, phew. Ouais. Non, parce qu'un colique, ça pourrait être... ça monte vite, là. Oui. Tu sais, si c'est relié avec ta carte de crédit, moi, j'ai pas ma carte de crédit là-dessus, j'ai des cartes cadeaux là-dessus. Moi, le monde me donne des cartes cadeaux. Fait que, let's go, me pose une de ma carte de crédit, moi. Puis. C'est la même chose pour la musique, là, si tu réfléchis plus, là, vraiment, dans l'achat de la musique. Là. Ça, c'est une bonne affaire. En parlant de l'achat de musique, avec la nouvelle version de iOS, on va l'appeler iOS 7. 6 sur l'Apple TV, tu peux acheter ta musique maintenant sur l'Apple TV. C'est intéressant. Ce que tu pouvais pas faire avant. Tu pouvais juste écouter ce que tu avais dans ton cloud. Et maintenant, tu peux acheter ta musique sur Apple TV. Ça me fait penser à ça, ce qu'on parlait pour l'achat là, avec le doigt. C'est un peu comme activer OneClick sur Amazon. Oui. Maintenant, j'ai activé ça sur Amazon. Maintenant, je réfléchis plus. Là. Quand je vois sur Amazon, OK, ça, c'est le fun. Clic, clic, clic, clic. Puis je me ramasse avec un bill de 350$ pour des gugus sur ma carte de crédit à la fin du mois. Ouais. sais. Mais bon, c'est ça. C'est comme ceux qui gossent pendant des heures et des heures pour trouver des failles de sécurité au début du lock screen pour faire des appels. Il faut que tu fasses une affaire en 14 étapes. Ben ouais. Que tu maintiennes ton droit. T'as-tu rien à faire de ta journée? Mais en plus, c'est que ça servira pas au commun des mortels. Trouve de quoi hacker, je sais pas, moi, une machine distributrice à coke. Ben oui, c'est ça. Ça va être cool. Ouais, essaye de trouver les guichets de la Caisse des Jardins, ça roule Windows 2000. Dois-tu en avoir des failles là-dedans, me semble? Fait que, ah ouais, gueule, s'il fait sortir le cash, non, mais. Ce qui se passe, c'est que sur un guichet, t'as pas un clavier complet, là, t'as 8 boutons. Ouais, ouais, tu sais, dans Terminator 2, là, il mettait sa carte d'enfant, aussi, puis il y avait un petit palme, quelque chose, je sais pas trop quoi, puis ah ouais. Ouais, oui, ça marche, ça, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est clair. Ça fait pas mal le tour. Donc, on aimerait vous rappeler. On n'avait pas encore une entrevue? Ben, on avait une entrevue, mais le gars, il a passé. On aimerait dire merci à Martin Resch. Quand il a téléphoné, c'était pas pour qu'on le mette en communication, c'était pour me dire qu'il était en bas. Puis, j'ai pas vu le message. J'avais un sacré bout de temps. Il habite où? Il est parti de la job un petit peu plus de bonne heure pour venir nous rejoindre. Il m'a écrit pendant le show. Je suis parti pour aller le chercher. Puis, il m'a dit, j'ai laissé, mais c'est correct. Est-ce que tu voudrais dire c'est qui au moins? Ben oui, c'est Safe Solvent. C'est Martin Resch. C'est un photographe vraiment bon qui a sa propre griffe qui est suivi par 30 000 personnes sur Instagram. Puis, comme il a passé un peu de temps à attendre après le nouveau téléphone, on voulait l'inviter puis voir un peu ce que lui pensait de ça et tout ça. Donc, il l'a-tu acheté? Oui, je pense que oui. Il a-tu resté avec vous autres toute la nuit? Il a resté un bout. Il n'était pas très loin. Non. Il a resté. Il était un petit peu plus en arrière. Ah, OK. Il n'a pas dépassé ou quoi que ce soit, mais il a passé une partie de la nuit avec nous. Puis, on est allé à Pointe-Claire. Quand on est revenu, il s'est mis en ligne un petit peu plus loin. Okay. Puis, il est rentré pas très longtemps après. Il a acheté son iPhone, puis il est parti avec. Je suis pas sûr qu'il ait pris le gold, mais lui, évidemment, c'est pour l'appareil photo. Ouais, mais aller le chercher. Encore une petite question. À quelle heure que le monde a commencé à tourner le coin vendredi? Le Starbucks ouvrait à 6h30. Ouais, j'étais au Starbucks à 6h30, puis c'était déjà rendu loin là, sur. OK. Moi, je te dirais autour de 4h du matin. Ça a commencé à tourner le coin sur Crescent? Ouais. Oui, okay. À peu près. Moi, j'ai fait le décompte à 6h30, il était 94, puis ça tournait déjà le coin. Il faut dire qu'avant, là, 6h15, 6h20, là, on était assis encore avec nos chaises, on était pas mal plus distancés. Oui, c'est ça. Ouais. On a été chanceux quand même qu'il n'y a pas fait fret comme l'année passée. Uh-huh. Non, effectivement, mais là, probablement que l'iPad, là, ça va nous... Il va faire fret dans la clé. Ouais, je vais vous acheter des... j'en ai à la pharmacie, là, des affaires, des packs là, de chaleur qu'on met dans les gants, dans les souliers. J'en ai fou, la pharmacie, mais on va vous acheter ça. Ils donnent ça au Boxing Day chez Best Buy. Ah, il te donne en rentrant, quasiment la boîte est là à côté de la porte. Là. En parlant de Best Buy puis Future Shop ont mis leur application iPhone à jour cette semaine, qui maintenant que tu peux acheter Best Buy, Future Shop avec PayPal. Oui, okay. Et avec l'application iOS qu'ils ont mis à jour cette semaine, ils ont intégré le PayPal dans leur application iOS. Ah, fait c'est que, ouais, c'est ça. Tu peux payer avec ta balance PayPal? Je le sais pas. Parce que certains détaillants, dont B&H Photo Vidéo à New York, tu peux payer avec PayPal sur le site, mais tu peux pas les payer avec ta balance PayPal. Tu peux juste payer avec une carte de crédit ou un compte de banque associé à PayPal. OK. Je sais pas ça. Je peux pas te le dire. De toute façon, j'ai pas de balance dans mon compte PayPal. Là. Moi, ça passe direct sur la carte de crédit ou dans mon compte de banque. Mais c'est intéressant pour le compte de banque. Ouais, c'est ça. Mais ça a été mis à jour. Mais tu sais, des fois, quand on vend quelque chose sur eBay, on se fait payer ça en balance PayPal. Puis... Ça, puis, ça veut broyer ta mère. Surtout que ça coûte des frais pour transférer. Ben oui. C'est effrayant. C'est très cher. C'est très long là, avant d'avoir ton argent. Là, si t'as pas... C'est combien le minimum pour que tu l'ailles? C'est 250, je pense, pour l'avoir sans frais. Hey, imagine. T'sais, c'est ça, tu veux broyer. Tu sais, moi, quand je vends mon MacBook, là, je le vends par PayPal. Là, c'est long en tabarnouche avant que j'aille mon argent. Ça prend au moins 2-3 semaines. Là. Ouais, des gros montants. Des gros montants. Des gosses. Là, ah ouais, ça, c'est. Puis... Il devrait le faire paiement direct, Interact, carré, tu une chute d'une shot. Tu sais, tu aurais l'option de le rajouter dans PayPal, ça serait fait. Mais bon, c'est pas fait. Eh bien, messieurs, il est 9h49. On va mettre fin à ça. On vous rappelle, en fait, que le podcast Mac Québec est rendu possible grâce à la généreuse collaboration de ClickPomm, que vous pouvez retrouver au clicpomme.com. On donne maintenant aussi les... on fournit les services de Mac Québec. Ah. Avant, c'était moi. Maintenant, c'est les services de Mac Québec. C'est fourni par ClickPomme. Ah, okay. Reptile Tech, qui nous a donné un sérieux coup de main le 10 septembre pour le site web. Et, on nous en donne encore. Oui. Et un bon coup de main aussi pour la bouffe le 20, le 19 au soir. Ils sont venus nous rejoindre. Paul Ross. Jean-François, son acolyte, et les autres qui sont venus faire un tour. C'est super gentil. C'était très apprécié. C'était la première fois que je les rencontrais. Les gens très sympathiques, des jeunes gars qui s'occupent de leur business super correctement, puis sont vraiment efficaces. Ça Brossard, ça, je pense. Oui, ça Brossard. Bon, on ira voir ça. Oui, bonne idée. Non, c'est vrai, c'est en farce. On pourrait aller voir c'est quoi. Ben oui, ce serait le fun. On va leur demander de nous inviter. Ben oui. iRepair Montréal, qui est maintenant situé au 1184 rue Sainte-Catherine-Ouest, suite 101. C'est à deux pas de l'Apple Store, puis ils sont bien affichés, je trouve, sur Sainte-Catherine. C'est vrai? Oui, c'est une grosse pancarte blanche, super visible. Excellent. Et ils font de la réparation, en fait, d'appareils iOS et de Mac en dehors de la garantie. Donc, si vous avez... Ils font Mac aussi? Oui, ils sont capables de faire les écrans Apple, entre autres, qui coûtent pas mal moins cher. Je pense que c'est comme autour de 300-400. L'écran, au lieu de te coûter 700. Je ne suis pas sûr, le Retina, là. Mais non, c'est pas un Retina, là, mais je veux dire... Okay. Tu parles d'un MacBook ou d'un iMac, là? Oui, un MacBook. OK. Fait que c'est quand même plus abordable, en fait, que la dalle originale. C'est plus cher que le faire soi-même, mais c'est pas quelque chose que je ferais moi-même, là, changer l'écran de mon iPhone. Non, ça prend un gun à chaleur. Ça prend quelqu'un qui en a fait plusieurs, que c'est pratiqué avant. Moi, c'est surtout un iMac, j'aurais tellement peur. Ah oui, j'avoue. En faites-vous? Non. N'avais jamais fait? Richard, l'as-tu déjà fait? On peut en faire, mais c'est qu'on ne peut pas commander les pièces. Fait qu'on peut changer le disque dur dedans, si ce n'est pas un disque dur de garantie, mais on ne peut pas commander les pièces de GSX. Fait que c'est ça, malheureusement. OK. On vous rappelle que le prochain rendez-vous est mardi, le 8 octobre, à compter de 20h, toujours au www.macquebec.com/en direct. De cette façon-là, en fait, vous allez manquer seulement un épisode sur deux de Agents of Shield. Comment ça? Nous autres, on est aux deux semaines, fait que tu nous écoutes deux semaines. Okay. La semaine d'après, on te donne un break, tu peux quitter l'émission. Je pensais que c'était aux deux semaines, Agent Shield, genre... Non. Donc, tout enregistré... moi, c'est programmé la série dans mon PVR à maison. Là, ça fait extrêmement longtemps. Là, j'avais mis ça en note dans mon téléphone. Là. Excellent. Donc, messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets, Jean-François? Ben, moi, on peut me retrouver sur Twitter à JFroy1979. C'est ça, en gros. C'est pas mal, là. Oui. On peut me retrouver sur Twitter au JM_Boily. Ou bien pour l'instant, on peut également me retrouver sur Kijiji où je vends mon iPhone 5 32 gigs encore que j'avais annoncé jeudi passé. Au podcast, oui. Qui est un iPhone 5 32 gigs noir, débarré, avec un an d'Apple Care Plus restant et qui est à vendre au coût de 530$. Oh, on a descendu un petit peu le prix. Ça se peut-tu? Tu l'as pas mis sur les packs? Non, ça coûte de quoi mettre ça sur les packs? Ah oui? C'est cher à part de ça quand même. Mais Puis tu l'as-tu mis sur les Macs? Oui, tu l'as-tu mis sur les Macs? Mis sur les Macs, par exemple. Excellent. Ouais. Bon. Parfait. Et pour ma part, vous pouvez me retrouver au Alex Cornelier. Oui, ici. Vous pouvez me retrouver au Alex Cornelier sur Twitter. Si vous suivez ClickPomme avec l'ancienne prononciation sur Twitter, C-L-I-C-K-P-O-M. Malheureusement, on ne peut pas changer le nom. Et vous pouvez suivre la page Facebook de ClickPomme et évidemment la page Facebook de Mac Québec. Où on est très, très présent. Tu as fait une excellente animation, d'ailleurs, en fin de semaine, de tout ça, en posant des questions qui ont fait avoir des comments beaucoup sur la page. Exactement. Les gens ont posé beaucoup de questions. C'était chouette. Ouais. Voilà. Donc, on vous dit au revoir et au 8 octobre. Au soir. Au soir. Bonne fin de soirée. Bye. Et c'est dans la boîte. C'est dans la boîte. 1h52, 43 secondes. Elle est HD. Parce que... 480. Ben, l'image, moi, en tout, je la trouve bien plus belle. C'est comme... Ah ouais, ben là, oublie ça, là, ça torchait, nous autres, là. Surtout que moi, j'étais sur le PC, fait que j'avais Skype HD, puis... Moi, j'étais pas sur mon Mac, là, quand j'ai fait ça le soir, là. Okay. J'ai branché le corps et ça sur l'ordinateur à Jason, là, mais c'est pas cassé la tête, là.